écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Ailleurs. Donc, je vais recommencer dans 1 Corinthiens 14, verset 26, qui nous parle de l'ordre et la bienséance dans la réunion des enfants de Dieu, le culte que nous rendons au Seigneur. Parce que ce qu'il faut bien savoir déjà, c'est que lorsque nous nous réunissons dans les réunions d'assemblée, c'est pour rendre un culte à Dieu. Donc, nous ne nous réunissons pas pour nous faire du bien. C'est-à-dire que de telle personne est un peu triste, il vient dans la réunion juste pour qu'on prie et que la tristesse parte. Non, c'est pas pour ça. Nous nous réunissons pour rendre un culte à Dieu, donc pour être agréable à Dieu. Donc, si nous voulons être agréable à Dieu, il faudrait effectivement que le culte que nous lui rendons soit selon la parole de Dieu. Parce que si notre culte n'est pas selon la parole de Dieu, nous nous serons fait beaucoup de bien, mais Dieu n'agrée pas notre culte. Parce que Dieu n'agrée que ce qui vient de sa parole. Donc, si le Seigneur a dit clairement dans sa parole, je ne veux pas ceci parce que cela, si on fait ça, nous ne sommes pas plus sages que Dieu. Nous ne sommes pas plus sages que les apôtres. Éphésiens 2 au verset 20 dit, l'Église, nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, si on veut savoir comment est-ce que l'Église doit marcher, comment est-ce que l'Église doit se réunir, nous devons nous référer sur ce que Jésus a enseigné et c'est sur ce que les apôtres, par la suite, ont continué dans l'enseignement de Jésus. Et tout est dans la parole de Dieu. Donc, si nous faisons autre chose et que nous essayons de justifier, qu'on sache que Dieu n'est pas glorifié dans notre culte. Et ce n'est pas étonnant que nous voyons dans tous nos bâtiments d'église la puissance de Dieu qui se manifestait dans le livre des Actes des Apôtres au travers des premiers disciples. Elle n'est plus là, elle est partie. Pourquoi elle est partie? On va dire que Dieu n'a pas changé. C'est nous-mêmes qui lisons, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas ses favoris. Si Dieu a manifesté sa puissance avec les premiers disciples, les premiers apôtres, il n'a pas changé entre temps pour ne plus manifester la même puissance au milieu de nous. Non, c'est parce que nous avons laissé la parole de Dieu et nous avons commencé à faire selon les standards humains. Les gens se sont assis, ils ont organisé l'église selon la pensée humaine. Et voilà, Dieu à ce moment-là, il se met de côté et il dit, ok, comme vous avez voulu organiser, allez-y. Nous avons même la grâce de Dieu encore que de temps en temps Dieu vient parce qu'il aime tellement son peuple, mais c'est parce que nous avons dit, ah nous, ça c'était pour les premiers disciples, donc laissons les premiers disciples avec, nous on sait faire mieux maintenant, nous faisons avec notre temps, et là Dieu n'est pas glorifié. Donc, je reviens dans 1 Corinthiens 14 verset 26, juste pour que tu aies tous les versets quand tu vas avoir la bande d'enregistrement. 1 Corinthiens 14 verset 26 dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc, lorsque nous nous réunissons en assemblée, le but est que chacun d'entre nous puisse être édifié. C'est que chacun d'entre nous puisse ressortir rempli. Donc, si moi je viens avec un don, il faudrait que le don là, je le mette à la disposition de mes bien-aimés avec lesquels je suis et que eux, ils puissent être encouragé par le don que moi j'ai reçu du Seigneur. C'est ça le but justement lorsque on se réunit ensemble. Autrement, chacun a aussi son culte personnel, sa relation personnelle avec le Seigneur et le Seigneur lui communique des choses pendant qu'il est dans ce culte personnel afin que lorsqu'il arrive maintenant au milieu de l'assemblée des enfants de Dieu, que ce qu'il a reçu du Seigneur, qu'il puisse l'apporter. Donc, si nous sommes là et qu'il y a un chant qui vient dans mon cœur, hop, je vais, si je vois qu'il y a un temps favorable, je vais commencer à chanter et l'assemblée va chanter avec moi. Et ce chant-là peut toucher, par exemple, quelqu'un. Et là, je vais vous donner un témoignage justement à ce propos-là. On a fait un culte ici un mercredi soir. Ce mercredi soir, il y a une sœur qui est arrivée avec sa fille et une amie à sa fille. On a fini le culte. Et après le culte dont je posais, et le Seigneur pendant le culte nous a conduit à prier pour l'ami justement de la fille de notre sœur. Et après, nous étions en train de partager un gâteau ensemble et je commence à poser des questions à cette petite-là. Je lui dis, est-ce que tu as déjà été dans un milieu chrétien? Elle me dit non, ce n'est qu'à l'âge de 3 ans que ma maman m'avait amené dans une église catholique. C'est le seul moment où j'ai été en contact avec les gens qui prient. Bon, et là j'ai commencé à lui parler du salut, de vraiment que c'est important de donner sa vie au Seigneur, ainsi de suite. Et moi-même qui étais en train de parler, je n'étais pas dans la foi qu'à ce moment-là, elle pouvait accepter le Seigneur. Donc quand j'ai fini, je suis allé dans la chambre, j'ai pris un traité d'évangélisation, je lui ai donné, en lui disant que tout ce que je viens de te dire, c'est sur le traité d'évangélisation. Donc si un jour, tu te rappelles de ce que tu as entendu aujourd'hui, lis ce traité-là et ça va t'aider justement à donner ta vie au Seigneur. Tu vas comprendre comment est-ce qu'on fait pour donner sa vie au Seigneur. Et quand j'ai fini de dire ça, il y a un frère qui était là, Marien. Il a reçu un chant. Il a commencé à chanter. Et tout le monde a commencé à chanter avec lui. Et quand Marien chantait, je chantais avec lui, le Seigneur a mis une pensée. Directement, dès que le chant est fini, j'ai demandé à la fille, est-ce que tu veux recevoir le Seigneur maintenant? Et elle a dit oui. Alors que moi, au début, je n'étais pas parti pour lui demander ça. Parce que je me disais, si je lui demande ça, je risque de la mettre mal à l'aise devant les gens et tout. Mais le chant, au travers du chant que le Seigneur a mis dans le cœur du frère Marien, directement, ça a apporté une pensée, ça a débloqué. Et puis le Seigneur a renouvelé ma pensée au travers du chant. Donc même le chant peut être une édification et conduire justement dans la voie du Seigneur. Donc quelqu'un a-t-il un chant, une instruction, une révélation, une langue, que tout se fasse pour l'édification. Donc ça peut édifier les autres. Donc continuons. Si quelqu'un parle en langue, tout au plus deux ou trois et encore chacun à son tour. Il y a aussi un interprète. Donc ne soyez pas surpris. Je suis en train de le dire parce que ça risque de vous arriver que quelqu'un arrive au milieu de vous. Il est peut-être dans le Seigneur plus longtemps que vous, parce que c'est souvent ça. Il va vous dire, ça fait 15 ans que je suis dans le Seigneur. On est en train de prier. Ah, puis il commence à parler en langue. Après, il se tait. Non, il faut l'arrêter tout de suite. Si il commence à parler, on se tait. On écoute. Et après, on attend. S'il n'y a pas d'interprétation, on va simplement ouvrir la parole de Dieu. Nous, ça nous est arrivé ici, hein. Ça nous est arrivé ici avec une sœur qui a commencé à parler en langue ici. Après, s'est même couchée au sol. Il y a un frère qui était assis là, Serge. Tout de suite, Serge a commencé à prier immédiatement. Il a dit, si ça ne vient pas de Dieu, que ça s'arrête, pap, en même temps, ça s'est arrêté. Donc, c'est pour ça, il faut être vigilant par rapport à ce genre de choses-là. Si ça ne correspond pas à la parole de Dieu, il faut arrêter tout de suite. Il faut recadrer par rapport à la parole de Dieu. Donc, si quelqu'un parle en langue à haute voix dans l'assemblée, ça veut dire que c'est un message que Dieu, si ça vient de Dieu, ça veut dire que c'est nécessairement une prophétie en fait, qui s'adresse à l'assemblée, mais cette prophétie-là, elle est donnée en langue. Donc quand elle est donnée en langue comme ça, il faudrait donc que, en même temps que Dieu donne l'interprétation à quelqu'un dans l'assemblée. Et la personne va donc donner le message en français, si on parle français ou en anglais selon là où nous sommes, et la personne va traduire le message que Dieu vient de donner dans la langue que tout le monde comprend. Voilà. Donc, et puis il dit qu'il y en ait deux ou trois au plus. Et encore chacun à son tour. Donc là, on était en train d'expliquer que dans les réunions d'assemblée, on ne prie pas tous en même temps. Tout le monde n'élève pas la voix en même temps. Parce que en fait, si nous sommes réunis ensemble, nous sommes un seul cœur, une seule âme, nous sommes une seule personne, un seul corps devant le Seigneur. Donc que une personne ou deux personnes élèvent la voix, c'est une seule personne, c'est la voix d'une seule personne qui monte, parce que nous sommes tous un. Donc voilà, nous laissons une personne élever la voix. Si après le Saint-Esprit nous pousse à compléter ou à apporter autre chose dans la prière, une fois que le premier a fini, moi aussi je vais élever la voix, et ainsi de suite. Et on a bien dit que pendant que un élève ou une personne élève la voix, ceux qui sont en train d'écouter, non seulement ils sont édifiés, mais en plus eux-mêmes peuvent recevoir quelque chose du Seigneur pour l'assemblée. Mais c'est parce qu'ils étaient, attentifs lorsque le premier était en train de prier. Mais si tout le monde prie, c'est un peu comme si tout le monde est dans son culte personnel et puis chacun individuellement élève la voix vers le Seigneur. Alors, verset 28. S'il n'y a pas d'interprète, c'est ce que je disais. Donc, si personne n'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée, qu'on parle à soi-même. Donc, si celui qui a parlé en langue, à haute voix, dans l'assemblée, il pensait peut-être que c'est un message qui vient du Seigneur, s'il voit que personne n'interprète, normalement, lui-même, c'est pour ça que après Paul va dire, l'esprit, au verset 32, l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc, si lui-même, la personne qui a parlé comme ça de façon intelligible à haute voix dans l'assemblée, s'il voit qu'on n'interprète pas ça, lui-même, en tant que, puisque c'est une prophétie qu'il pensait apporter de la part du Seigneur au peuple, lui-même va commencer à baisser le ton et commencer à chuchoter en fait, parce qu'il se rend compte que cette parole-là ne s'adressait pas à l'assemblée. Moi, ça m'est déjà arrivé ici une fois. On était en train d'adorer le Seigneur, hop, le parler en langue est monté. Et ça a voulu sortir à haute voix. Je me suis calmé, je suis même sorti. Je suis parti vers la porte et puis je parlais à basse voix. Parce que je me suis rendu compte que c'était pas une parole pour l'assemblée. Et donc c'est comme ça que justement, celui qui apporte cette langue-là à haute voix dans l'assemblée, lui-même il doit appliquer ce verset-là. Et s'il n'applique pas ce verset-là, les frères qui sont dans l'assemblée doivent le ramener à la parole de Dieu, ou la ramener à la parole de Dieu pour qu'elle applique. Donc, verset 28 dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église, qu'on parle à soi-même et à Dieu, donc à basse voix. Donc, verset 29, pour les prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Donc, même s'il y a une prophétie, quelqu'un vient et dit, le Seigneur dit ceci, ceci, on se tait d'abord, on prie et que les autres, on examine ce qu'il vient de dire. Dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 20, je vais lire ça rapidement parce que ça complète ce que je suis en train de dire par rapport aux prophéties. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19 même, dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc, quelqu'un va parler, on va examiner ce qu'il est en train de dire. On examine comment? On ne va pas examiner selon son propre jugement, si ça nous plaît ou pas ce qu'il est en train de dire, mais on va examiner selon la parole de Dieu. On va regarder, est-ce que ce qu'il est en train de dire là, c'est la parole de Dieu? Si quelqu'un vient ici, il dit, nous sommes en train de prier, il se lève, il dit, le Seigneur appelle la sœur Jacqueline qui est là, à être évangéliste, je ne sais pas moi, au Canada. Je regarde la parole de Dieu, je cherche une femme qui est évangéliste, je ne vois pas, je vais dire non. Ça, c'est une prophétie qui ne vient pas de Dieu. Oui, elle peut aller aider là-bas, ainsi de suite, mais les saints ministères, ce sont les hommes qui ont ces saints ministères-là. Donc, à partir de là, déjà, en examinant, on peut savoir que ça, c'est une prophétie qui ne vient pas de Dieu. La personne s'est trompée là-dessus. Le Seigneur appelle la sœur Linda à aller ouvrir une assemblée à je ne sais pas où. Non, elle n'est pas apôtre. Elle ne peut pas avoir ce titre-là. Donc déjà, on examine selon la parole de Dieu et on tranche là-dessus. Donc, les autres qui écoutent la prophétie doivent juger. Ça, c'est important, ça. Parce que quand les gens donnent les prophéties, on n'examine plus. On prend ça directement comme la parole de Dieu. Non, pas du tout. On doit juger. On doit examiner à la lumière de la parole de Dieu. Si quelque part, il y a quelque chose qui contredit la parole de Dieu, on n'accepte pas. Souvent, on vient, on écoute, on dit, celui qui est en train de donner la prophétie, il dit le Seigneur est en train de couper des liens ancestraux dans ta famille parce qu'il y avait telle malédiction dans ta famille. Si tu es un chrétien, tu dis non, ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi? 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, la prophétie que tu es en train de donner, le Seigneur avait déjà accompli ça dans ma vie. Au moment où je me suis converti, tu peux encore prendre Colossiens 1 au verset 13, où il est dit, il nous a délivrés. C'est écrit là. Ce n'est pas après que le Seigneur va délivrer. Colossiens 1, verset 13. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc c'est quelque chose qui est déjà fait. Il nous a délivrés. C'est pas il va nous délivrer. Donc ça, voilà comment nous pouvons examiner les prophéties et rejeter ce qui ne vient pas de Dieu et retenir ce qui est bon. Voilà, donc c'est pour ça que ceux qui écoutent les prophéties doivent juger au travers de la parole de Dieu. Verset 30 maintenant, 1 Corinthiens 14, verset 30. Un autre assistant a-t-il une révélation que le premier se taise? Donc, quand on va voir quelqu'un qui veut apporter un autre message, je suis en train de parler progressivement, je vais me taire pour laisser le bien-aimé suivant parler. Car vous pouvez tous prophétiser, même prier, nous pouvons tous prier, mais successivement, c'est pas tout le monde en même temps, successivement. Pourquoi? Afin que tout le monde soit instruit et que tout le monde puisse être exhorté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire que ceux qui sont là, eux-mêmes doivent reconnaître que ça, c'est la bienséance de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Les païens, quand ils entrent dans un milieu chrétien et qu'ils entendent tout le monde crier, chacun crie à son tour, même pour un païen qui ne connaît pas la parole de Dieu, il va dire, mais vous êtes désordonné, qu'est-ce que vous faites comme ça? Mais s'il arrive, un est en train de prier, l'autre se tait, et après le deuxième prie, et ainsi de suite, lui-même, sans qu'on ne lui dise rien, il va voir comment la bienséance est là, comment l'ordre est là, et ça, ça va être déjà une première chose qui va le toucher. Regardez, par exemple, pour ceux qui sont ceux qui travaillent ou bien même à l'école. Quand on discute avec des amis, tu es en train de parler, hop, il y a un qui va te couper la parole, il introduit directement un autre sujet, ainsi de suite. Tout de suite, on va voir que c'est le désordre. Et ça, justement, c'est parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu qu'ils font ça. Quelqu'un est en train de parler, hop, on coupe la parole, et ainsi de suite. Mais quand on est dans le Seigneur nous apprend l'ordre et la bienséance. Quelqu'un est en train de parler, on l'écoute, il va jusqu'au bout, et ensuite, on prend la parole. Et ça, moi, je préconise de l'appliquer même dans la communion fraternelle. C'est-à-dire, quand on a fini la parole de Dieu, on est en train de partager, on est en train d'échanger, chacun est en train de dire ce que de causer, on écoute quelqu'un. Quand une personne est en train de parler, on s'arrête, on écoute ce que la personne dit. Parce qu'au travers de ce que la personne dit, nous pouvons avoir autre chose à rajouter pour que ça complète pour l'ensemble du corps. Donc, en fait, on n'a pas été habitué à ça, mais ce sont des choses que nous devons apprendre. Nous devons apprendre parce que quand on vient dans le Seigneur, c'est le début d'une nouvelle vie et toute notre manière de marcher d'avant, nous devons laisser ça de côté et permettre au Seigneur de nous enseigner sa façon à lui. Et ça, c'est au travers de la parole de Dieu. Verset 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, car dans toutes les églises des saints, toutes les églises, c'est au travers non seulement des églises qui sont situées là dans la cité, dans la parole de Dieu, mais c'est les églises de tous les temps, jusqu'à présent. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent en assemblée, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire de quelque chose, qu'elles interrogent leur propre mari à la maison, car il est malséant pour une femme de parler en assemblée. En fait, ça c'est venu d'un contexte historique même déjà, ceux qui ont lu un peu le contexte. En fait, dans l'église de Corinthe, quand un frère était en train de prêcher, une femme qui est assise ici demande à son mari là-bas, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Donc, et ça amenait le désordre. Donc, Paul a déjà recadré ça, mais nous, on comprend bien parce qu'en dehors de ça, il y a un principe spirituel beaucoup plus profond que cela. Donc, nous avons bien compris que pendant l'instruction, parce qu'il dit qu'elles s'instruisent à la maison, qu'elles s'instruisent. Donc ici, c'est pendant l'instruction, pendant qu'on est en train de prêcher la parole de Dieu, il ne permet pas à la femme de parler à ce moment-là. C'est pour ça que moi, personnellement, quand je suis en train d'enseigner la parole de Dieu, si au moment de lire, s'il y a un verset qu'on doit lire là, si les frères sont là, c'est à un frère que je vais demander de lire. S'il n'y a pas de frère avec moi, je vais chercher le verset, je vais le lire moi-même. C'est pour respecter la parole de Dieu telle qu'elle est écrite là. Bon, alors, donc, on a dit que dans un certain cadre, les sœurs peuvent parler dans l'assemblée. Et ça, on a pris 1 Corinthiens 11, verset 4 et 5. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Donc, prier et prophétiser, ça se passe bien par la parole. Donc, les sœurs peuvent prier, elles peuvent même prophétiser. Et si elles prophétisent, ça sera toujours dans le même respect qu'on a vu là, dans 1 Corinthiens 14, versets 27 et 28. Donc, elles doivent attendre leur tour et venir lorsqu'elles ont leur tour. Voilà, le Seigneur me met une parole à cœur. Ok, ma sœur, vas-y, apporte la parole que le Seigneur t'a donnée. Et puis, à ce moment, la sœur va parler. Au moment où nous sommes en train de prier, ah, il y a une prière qui monte dans le cœur de la sœur. Ok, elle prie pour l'édification du corps. Alors, continuons maintenant. Et donc, si elles veulent s'instruire de quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Donc, on a dit que par rapport à ce verset-là, nous, étant donné qu'il y a beaucoup de sœurs parmi nous qui n'ont pas de mari, qui ne sont pas mariées, ou alors qui sont mariées à des personnes qui ne sont pas converties. Donc, qu'est-ce qu'on va faire puisque ces sœurs-là n'ont pas de mari? On va réserver un temps après la prédication, au moment du partage maintenant. Là, on n'est plus dans l'instruction. Au moment du partage, on va poser la question, « Ma sœur, est-ce que tu as bien tout compris ?» Ou bien, est-ce que... Des fois, il m'est arrivé de prêcher, non pas sur un message que le Seigneur m'a donné avant, mais quand j'arrive, souvent je pose la question, est-ce que tu as lu dans la semaine ou dans le mois, est-ce que tu as quelque chose, il y a des choses que tu n'as pas compris, que tu veux comprendre, et ça je pose des questions souvent aux sœurs, et la sœur va dire, ah moi j'avais lu tel verset, je n'ai pas compris, ok d'accord, j'ai compris ma sœur, paf, et puis on entre dans la parole de Dieu, on commence à décortiquer et à expliquer. Donc, et par rapport à ça, j'avais pris aussi 1 Timothée 2 verset 11 et 12. 1 Timothée 2 verset 11 et 12. Que la femme s'instruise en silence. Donc elle doit recevoir l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Donc on a compris que l'autorité ici se prend lorsque on est en train d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que celui qui est en train d'enseigner la parole de Dieu a l'autorité sur ceux qui l'écoutent. Donc voilà pourquoi une femme ne peut pas commencer à enseigner la parole de Dieu. Il y a des hommes qui sont là. Ça veut dire que elle a l'autorité sur eux. Et la Bible dit elle-même, elle doit pouvoir se rendre compte que ce qu'elle est en train de faire n'est pas selon la parole de Dieu. Et le Seigneur explique, c'est pas pour rien. C'est pas juste qu'il dit, oh, la femme ne doit pas enseigner. Ça va, c'est, non, il explique. Il y a une raison spirituelle pour laquelle le Seigneur ne permet pas que la femme enseigne. Je ne permets pas, je relis encore bien le verset 12, parce que souvent, ce n'est pas compris, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Et il explique pourquoi ça, car Adam a été formé le premier. Amen. Adam a été formé le premier. Ça, c'est la première raison. Quand on dit Adam a été formé le premier, on ne comprend pas. Mais d'où ça vient? Pourquoi c'est comme ça? Allons dans Genèse. On va comprendre pourquoi le Seigneur. La Bible est cohérente du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il y a une raison. Prenons Genèse 2. On va voir d'où ça vient. Genèse 2. Parce que tout a commencé dans le jardin d'Éden. Genèse 2, Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Amen. Dieu a formé l'homme. Il n'y a pas la femme ici. Donc, ça confirme déjà le verset de Timothée là-bas qui dit que Adam a été formé le premier. Bon. Ok. L'homme est devenu une âme vivante. Donc, voilà Adam au verset 7 de Genèse 2 qui vit. Continuons maintenant. Allons dans le verset 15. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Jusqu'à là, la femme n'est toujours pas là. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Amen. Donc ça, c'est un commandement que Dieu donne à l'homme. La femme n'existe pas. La femme n'est pas là. Elle n'a pas entendu ce commandement-là. Je prends maintenant le verset 21. Nous sommes dans Genèse 2, verset 21. Alors l'Éternel Dieu, le commandement a déjà été donné à Adam. Adam est dans le jardin d'Éden, il a déjà reçu un commandement de Dieu. Nous continuons. Alors, quand on dit alors, c'est-à-dire nous sommes dans un processus chronologique avec des événements qui se succèdent les uns après les autres. Donc alors c'est la suite. Qu'est-ce qui vient après? Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, dont l'homme existait déjà. Ça nous montre encore que le verset de Timothée là-bas est vérifiable dès le début. Alors l'homme s'endormit. Nous sommes dans le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'emmena vers l'homme. Dieu a formé la femme à partir de l'homme. Donc on comprend bien que l'homme était là avant la femme et c'est de l'homme que la femme a été créée. Verset 23. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme. Amen. C'est ici le point central. C'est elle qu'on appellera femme. C'est l'homme qui a parlé en premier. La femme n'avait pas encore la parole. L'homme a parlé en premier. C'est elle qu'on appellera femme. Et Dieu a amené lui-même la femme auprès de l'homme pour que l'homme donne un nom. Et l'homme a dit, on l'appellera femme. Et ça, c'est une manière pour Dieu de donner l'autorité à l'homme sur la femme. Et si on voit, si nous voyons au verset 20, verset 20, alors qu'est-ce qui s'est passé? Un instant. Alors, nous continuons là où nous étions. Vendredi soir, c'est pareil, comme j'étais en train de partager avec les bien-aimés. Vendredi soir, je partageais la parole là sur Skype avec Daniel d'ailleurs, qui est en Belgique là-bas, avec d'autres bien-aimés, un couple là qui vient de donner sa vie au Seigneur. Il était minuit, 1h du matin, non, minuit par là, la voisine vient sonner, l'autre voisine, et ainsi de suite. Ça nous a un peu coupé le fil, et ainsi de suite. Mais la parole a quand même continué à être prêchée. Donc, quand vraiment on commence à vraiment à ouvrir les yeux comme ça, le Saint-Esprit commence à nous ouvrir les yeux, et il y a toujours l'autre qui va venir essayer de nous perturber. Et ça, il faudrait pas que ça nous surprenne, parce que vous allez pouvoir le vivre, et puis même l'observer de plus en plus dans votre vie, vous allez voir que des fois, quand justement vous commencez vraiment à le Seigneur commence à travailler avec vous d'une certaine façon, ou bien même au moment de méditer la parole de Dieu, c'est là où vous avez sommeil, vous avez envie de dormir, au moment où il faut vraiment faire quelque chose pour le Seigneur, là, l'ennemi vient et il commence à vous distraire, à vous amener sur un autre sujet. Bon, revenons à ce que nous étions en train de dire. Nous avons un doigt sur 1 Timothée 2, nous étions au verset 13. Car Adam a été formé le premier. Et nous sommes revenus dans Genèse et nous sommes en train d'expliquer justement comment ça s'est passé. Adam a été formé le premier et qu'est-ce qui suit? Donc, nous avions lu... Je nous remets dans le contexte. Donc, nous avions lu le verset 15 où il est dit, le verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu dit à l'homme, donna ce commandement à l'homme. Donc, c'est un commandement. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Première chose. Donc, là, la femme n'est pas encore là. On a lu maintenant au verset 21, où le Seigneur, justement, forme la femme à partir de la côte de l'homme. Donc, la femme vient effectivement après l'homme. Donc, ça... ça confirme ce que Paul dit à Timothée dans le verset 13 où il dit Adam a été formé le premier. Donc, et on a vu ensuite que l'Éternel, une fois qu'il a formé la femme, l'Éternel Dieu forma la femme de la côte. Je suis au verset 22, Genèse 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il emmena vers l'homme. Ça c'est capital. Ce verbe emmener là, c'est Dieu qui a emmené la femme vers l'homme. C'est pas la femme qui est venue d'elle-même, mais c'est Dieu qui l'a emmenée en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà la manière pour Dieu de donner l'autorité à l'homme sur la femme. Ça va venir après et ça on va comprendre. Il y a rien qui est par hasard dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui a emmené la femme vers l'homme. Pour voir comment est-ce que il l'appellerait. Et si nous regardons un peu au verset 19. Genèse 2, verset 19. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il fit venir vers l'homme. Vous voyez ça? Ça, c'est une vérité spirituelle. Quand le Seigneur amène quelque chose vers l'homme ici, il y a une vérité spirituelle, c'est-à-dire que Dieu est en train de donner l'autorité à l'homme sur la chose qui l'amène vers lui. Et comment ça va se passer? Par la parole. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que lorsque justement la femme parle, prend l'autorité, enseigne la parole de Dieu, elle prend ainsi l'autorité sur l'homme, et ça se fait par la parole. Donc l'homme ici va donner un nom, donc il va prononcer une parole, et il prononce une parole sur des animaux qui eux vont se taire. De la même manière, Adam va parler et la femme va se taire. C'est une notion d'autorité spirituelle en fait. C'est cela. Il y a David qui est arrivé. Hein. Vous demandiez David tout à l'heure. Il est en train de prier. Ça va, vas-y. Tu vas saluer l'église de Nice après. C'est bon, tu peux te mettre ici. La soeur t'a laissé la place. Voilà, on sait, on vient te voir. Ça va bien, Béli? Ça va, et vous? Ok, bonjour. Vera, elle va mieux? Elle est là, voilà Vera. Bonjour. Je suis enchanté, hein. Que soit loué. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, j'étais en train d'expliquer que lorsque le Seigneur amène comme ça des créatures vers l'homme, en fait, il est en train de donner l'autorité à l'homme sur ces créatures-là. Et cela va se manifester au travers de la parole. Quand l'homme va prononcer une parole et ces créatures-là vont se taire pour écouter cette parole-là, c'est cette autorité-là que Dieu, en fait, est en train de donner. Et on va voir comment ça va se confirmer. Donc, nous sommes en train de lire Genèse 2, verset 19. L'Éternel forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, il les fit venir vers l'homme. Donc c'est Dieu qui amène ces animaux-là, parce qu'il a un travail spirituel qu'il va faire à ce moment-là, pour voir comment est-ce qu'il les appellerait. Donc l'homme va appeler, l'homme va prononcer une parole sur ces animaux, les animaux vont se taire, c'est-à-dire les animaux vont accepter que l'homme est cette autorité-là, parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Alors, continuons. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte un nom. Mais pas n'importe quel nom. Dieu aurait pu dire, ça c'est le lion, ça c'est le serpent, comme on a vu dans Genèse 1. Genèse 1, il est dit, verset 1, Genèse 1, 1. Regardons ce qui se passe là. Il y a un principe spirituel très important là qu'on néglige. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, que Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. C'est Dieu qui a donné un nom à la lumière, il a donné un nom aux ténèbres, le jour et la nuit. C'est pour ça que Dieu commande le jour et il commande la nuit. Si Dieu décide maintenant qu'en hiver il fait nuit à midi, il va faire nuit à midi. C'est Dieu qui décide de ces choses-là. L'homme ne peut pas décider. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé. Il a créé le jour, il a créé la nuit, comme on est en train de voir là, et c'est lui qui a donné ce nom-là. Comme Dieu a donné ce nom-là et que c'est lui qui a créé, il a donc l'autorité sur cette chose-là. Dieu a créé tous les éléments de la nature, la mer, ainsi de suite. C'est pour ça que quand Jésus qui est Dieu manifesté en chair, quand il était sur la terre, c'est pour ça qu'il étend sa main sur la mer, il dit calme-toi et la mer obéit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé. Quand on lit dans Colossiens là-bas, on dit toute chose a été créée par lui et pour lui. Donc comme c'est Jésus qui a créé toutes ces choses-là, voilà pourquoi Jésus avait l'autorité sur les éléments de la nature. Parce qu'il les a créés. Donc, il a l'autorité. Maintenant, Dieu ayant créé des êtres humains, des animaux, ainsi de suite, il peut décider maintenant, comme c'est lui qui a créé, normalement il a l'autorité, il peut décider de transférer une partie de cette autorité-là à l'être humain, notamment à l'homme. Et qu'est-ce qu'il fait? Le principe spirituel, c'est qu'il amène cette chose devant, ou cette personne, ou cette créature, il amène la créature devant l'homme et il demande à l'homme de lui donner un nom. Ça, c'est un principe spirituel qui est énoncé ici. Alors, nous sommes à Genèse 2, verset 20. Il ne trouva pas d'aide qui lui fut vis-à-vis. Donc ça nous confirme encore 1 Timothée 2, verset 13. Car Adam a été formé le premier. Donc on voit Adam ici qui voit qu'il est dans la solitude. Donc Genèse confirme ce que Paul dit à Timothée là-bas. Donc, nous voyons ici, la fin du verset 20 de Genèse 2, verset 20 dit, « Il ne trouva pas d'aide qui lui fit, qui fit son vis-à-vis. » Donc, il n'a pas trouvé d'aide semblable à lui. Donc, alors, verset 21, « Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et renferma la chair à la place. » L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena. Le même principe. C'est pour ça que peu importe l'animal que vous trouvez sur la terre, l'homme a l'autorité. Vous allez dans les cirques et tout ça, vous allez voir les lions féroces et tout ça, mais l'homme a pu dompter le lion. dompter le lion à tel point que le lion peut être avec les gens du cirque et tout, il est soumis. Vous voyez les gens du cirque, ils soulèvent le bâton, le lion saute et ainsi de suite. Mais le lion ne va jamais dompter l'homme, jamais de la vie. Le singe, le chien, tout ça ne va jamais donner un ordre à l'homme et l'homme va exécuter, jamais de la vie. C'est toujours l'inverse. Pourquoi? Parce que verset 19 ici, quand Dieu a formé les animaux, il les a amenés vers l'homme pour voir comment l'homme devait les appeler. Donc, Dieu a donné l'autorité aux hommes sur ces animaux-là. Donc, c'est comme ça, ce sont des principes spirituels importants. Donc, verset 22 maintenant, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte de l'homme. Donc, on voit bien que l'homme existait avant la femme comme Paul a dit à Timothée là-bas. Et Dieu a amené la femme vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, vous voyez, maintenant l'homme va parler. Quand l'homme parle, ça c'est le symbole de l'autorité. Parce que quand Dieu amène ces choses-là, ça s'est passé déjà avec les animaux. Quand Dieu amène ses créatures vers l'homme, l'homme, lui, il a déjà compris. Comprenons que Adam n'avait pas encore péché. Hein. Comme Adam n'avait pas encore péché, il était en communion avec Dieu. Quand Dieu faisait quelque chose, il comprenait directement. Donc, il comprenait les choses par l'esprit. Puisque quand Dieu l'a formé, il a dit « Faisons l'homme à notre image ». Donc, l'homme avait l'esprit de Dieu. À ce moment-là, le péché n'était pas encore venu. Donc, Adam, quand Dieu a amené la femme ou quand Dieu a amené les animaux, tout de suite, Adam a saisi ce qui était en train de se passer. Quand Dieu a amené la femme, qu'est-ce que Adam a fait? Il a ouvert la bouche pour parler. Il a pris l'autorité. Il a compris que l'autorité lui était donnée directement. Et il a fait ce que Dieu s'attendait à ce qu'il fasse. Adam dit, cette fois, c'est l'os de mes os. Et là, la femme n'a pas parlé, attention. C'est l'os de mes os, continuons. La chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme. Comme il a donné des noms à tous les animaux et il a vu que parmi tous les animaux là, il n'avait pas son vis-à-vis, donc quelqu'un qui lui, une créature qui lui ressemblait. Maintenant, il a trouvé une créature qui lui ressemblait et il a aussi donné un nom à cette créature là. Il a compris que Dieu lui avait donné cette autorité là de pouvoir nommer cette créature. C'est pour ça qu'il a ouvert la bouche et qu'il a donné un nom. On l'appellera femme. Et ça déjà, et Dieu n'a rien dit par rapport à ça. Ça, c'est le premier endroit où Dieu donne l'autorité à l'homme sur la femme. Et ça se passe par la parole. C'est pour ça que la femme ne peut pas enseigner dans l'église. C'est ce que Paul dit à Timothée ici. Parce que quand Paul commence à expliquer ça, on ne comprend pas pourquoi il dit ça. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, verset 12, 1 Timothée 2, verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Et au verset 13, il commence à expliquer, il dit, car Adam a été formé en premier. On a compris avec les versets de Genèse 2 que lorsque Adam a été formé en premier, au verset 15, Dieu lui a donné un commandement. Bon, Adam a été formé en premier. Nous sommes dans 1 Timothée 2, verset 13. Nous sommes en train de décortiquer ce verset-là, l'explication. Et ensuite, il explique... Il explique la suite... Et ce n'est pas dont l'homme a d'abord été formé en premier, Ève ensuite. Verset 14 maintenant. Ève ensuite. Verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Bon. Dieu est plus sage que nous. Parce que quand on lit souvent ça, les sœurs sont fâchées, elles commencent à parler. Dieu est plus sage que nous. C'est la première chose que nous devons admettre d'abord. Bon. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Retournons dans Genèse là-bas. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Je vais réexpliquer ça tout doucement. Parce que, en fait, c'est un principe spirituel qui est tellement important. Et comme on a négligé ou rejeté ce principe spirituel, ça donne tout le désordre qu'on voit dans l'église. Après, on va rentrer plus dans les détails, on va comprendre d'où vient tout ce désordre-là. Et nous convertissons, nous arrivons dans les assemblées, nous héritons de ce désordre-là. C'est pour ça que quand on voit, l'un lui fait ça, parce qu'il a lu dans la Bible, l'autre lui fait autre chose, et ainsi de suite, parce que les bases ne sont pas là. Les bases sont là dans la parole de Dieu et on doit les comprendre en profondeur. Si on vient simplement et qu'on a hérité de quelque chose sans rentrer en profondeur, on va partir avec cet héritage-là qui est déjà erroné à la base. Alors, prenons maintenant Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Le serpent vient parler, il ne vient pas parler à Adam. Il vient parler à la femme. Je reviens dans Genèse 2. Verset 19, l'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fait venir vers qui? Vers la femme, non vers l'homme. Et il nous a dit que le serpent était rusé. Il a su que s'il allait vers l'homme, l'homme allait sortir la parole, mais il va parler à la femme. Tout est là-dedans. Allons-y tout doucement et on va comprendre pourquoi Paul explique les choses comme ça. Le serpent était le plus rusé. C'est pas par hasard qu'on dit il était rusé. Comme il était rusé, le verset de Genèse là-bas, verset 19 dit, Dieu a amené vers l'homme. Donc lui, il ne va pas aller parler à l'homme. Il va aller vers celle qui est venue après l'homme. Voilà. Continuons maintenant tout doucement. Alors, il était le plus rusé. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Donc il va tout de suite attaquer le commandement que Dieu... Je reviens encore tout doucement. Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna ce commandement à la femme, non, à l'homme. Donc lui, il vient parler à la femme d'un commandement que Dieu a donné à l'homme. Et il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, il vient avec un doute. Il vient poser le doute sur quelque chose que Dieu a dit clairement dans Genèse 2, verset 16. Dieu a donné ce commandement à l'homme. On n'a pas dit que Dieu a hésité. Dieu a donné le commandement, était clair. Tu ne mangeras pas. Si tu manges, tu meurs. Donc, c'était très clair. Mais le serpent vient ici, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et ça nous rappelle lorsque Jésus était dans le désert et que le diable est venu essayer de séduire Jésus. Il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, alors que quelques versets avant, quand Jésus est sorti des eaux du baptême, le ciel s'est ouvert et une voix est venue. La voix a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et la voix n'a pas dit, si il est le... Non, mais quand le diable vient, le diable dit, si tu es le Fils de Dieu, toujours la même chose, le doute. Il vient avec le doute. Sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est là. Il ne vient pas dire non, ce que Dieu a dit n'est pas vrai. Il vient avec le doute sur ce que Dieu a dit. Et le diable n'a jamais changé. Il agit toujours pareillement. Alors, continuons dans Genèse 3. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que vous voyez ce qu'il dit? Il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il a déjà commencé par détourner un peu ce que Dieu a dit. Il y a déjà même une erreur là-dedans. Dieu, il veut voir comment la femme va réagir. Il veut voir si elle va donner avec assurance la parole de Dieu. Il veut voir si elle va ressortir la parole de Dieu exactement comme Dieu a dit, afin de savoir comment est-ce qu'il peut la séduire. C'est comme ça que le malin agit toujours. Et on va voir dans d'autres versets dans le Nouveau Testament, la même tactique n'a pas changé depuis le jardin d'Éden. Alors, continuons ici. Et maintenant, la femme va réagir. Et même dans les manières dont le diable essaye de séduire les enfants de Dieu, il agit toujours de la même manière. Puisqu'il ne sait pas ce que nous pensons à l'intérieur de notre tête, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de nous injecter de mauvaises pensées. Donc, il essaye de nous donner des pensées de doute et il voit comment nous réagissons pour savoir si nous sommes dans la foi ou pas du tout. Donc, c'est la même chose qu'il fait ici avec la femme. Il prend une parole de Dieu et il donne cette parole avec une question, en fait, pour voir dans quel état d'esprit la femme est. Et afin de savoir comment est-ce qu'il peut attaquer pour la séduire. Et c'est la même chose qu'il fait aussi avec nous dans le combat spirituel, dans les pensées. C'est la même chose. C'est la même tactique que le diable utilise. Il essaye de nous mettre en doute par rapport à la parole de Dieu et il nous fait accepter des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Donc, continuons. Verset 3. La femme, voilà. Verset 2. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Donc la femme a retranscrit intégralement exactement le commandement de Dieu. Elle a dit ça clairement. Bon. Le serpent sait maintenant dans quel état d'esprit la femme est. Quel est son niveau de connaissance par rapport à ce que Dieu a dit. Déjà à ce niveau, si on peut s'arrêter déjà et méditer un peu. Dieu n'a jamais dit à la femme que vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre. Il a dit à l'homme, je reviens dans Genèse 2, verset 16. L'Éternel donna ce commandement à l'homme. Donc, nulle part on ne voit Dieu donner un commandement à la femme. Donc, on comprend que si la femme a le commandement ici qu'elle est en train de redonner intégralement au serpent, ça veut dire tout simplement que c'est Adam qui lui a transmis le commandement de Dieu. On comprend déjà que c'est l'homme qui transmet la parole de Dieu à la femme. Hein? La femme reçoit l'instruction par l'homme. Ça, c'est déjà dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas l'inverse. Si on inverse ça, c'est qu'on a retourné la parole de Dieu dans l'autre sens et ne nous attendons pas à ce que Dieu vienne bénir ça. Donc, la femme ici redonne le commandement que Dieu a donné à Adam dans Genèse 2, verset 16. Mais on ne voit jamais Dieu donner ce commandement directement à la femme. On comprend d'où elle tient ce commandement. Maintenant, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Donc il vient avec le doute. Il ne dit pas que ce commandement est faux, mais il met le doute, il continue toujours dans le doute. Vous ne mourrez pas du tout. Verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. C'est quand même très intéressant. Regardez ce que le malin dit. Mais, Genèse 3, verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Je retourne ici là voir ce que Dieu a dit à Adam. Verset 17. Mais si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc le diable n'a pas changé la parole de Dieu. Il a dit presque ce que Dieu a dit, mais il a rajouté une petite semence qui a tout changé. Vous ne mourrez pas. C'est là qu'il a tout changé. Et c'est comme ça la séduction du malin. Pourquoi on parle de séduction? Parce que ça ressemble de très près à la vérité, mais il y a une petite erreur qui s'est glissée là-dedans et ça fait que ce n'est plus la vérité. Et c'est comme ça que encore aujourd'hui, l'Église est séduite par tant de choses. On dit, ah ça c'est pas important, c'est un détail. Et quand on dit c'est un détail comme ça, le diable est content. Parce qu'il sait que ce n'est pas un détail du tout, du tout. Mais comme nous, on va le considérer comme un détail. La femme aurait pu, d'ailleurs même, c'est, la femme, vous ne mourrez pas, elle n'a pas considéré ça. La preuve, c'est qu'elle a agi après selon ce que le serpent lui a dit. Donc, elle n'a pas considéré que c'était grave. Parce que Dieu lui l'a dit, le jour où vous en mangez, je lis la fin du verset, Genèse 2, verset 17. Car le jour où vous en mangerez, attends, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ce que Dieu a dit. Et la femme a redit la même chose. Et le serpent a dit quasiment ce que Dieu a dit. Je dis quasiment, hein, parce qu'il a rajouté, il dit vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Première semence mauvaise, vous serez comme des dieux. Dieu n'a pas dit ça. Il a parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il n'a pas dit que le jour où vous mangerez, vous serez comme des dieux. Il a dit, le jour où vous mangerez, vous en mourrez. Le diable, lui, il dit, quand vous allez manger cela, vous serez comme des dieux. Première mauvaise semence. Et ensuite, il a rajouté, vous ne mourrez pas. Voilà les deux poisons que le malin a mis dans le commandement de Dieu. Sinon, le reste était quasiment bon. Et c'est exactement ce que le malin fait toujours. Il vient, il prend la parole de Dieu, presque la même chose, et il met une petite semence là-dedans. Et une fois que la semence est dedans, ça pourrit l'ensemble. Alors, verset 6 maintenant. Et c'est pour ça, gardons toujours le doigt dans Timothée. Parce que quand on dit ça, ça choque. Verset 14 et 1 Timothée 2, verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Alors, qu'est-ce qui se passe ici dans Genèse 3? La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner le discernement. Est-ce que Dieu avait dit que ça donnerait le discernement? Pas du tout. Et c'est là que la séduction vient. Mais on voit que le malin ne peut justement exercer la séduction sur quelqu'un que si dans son cœur il y a déjà une racine de la séduction. Donc il vient attiser le désir, la convoitise qui est déjà dans le cœur. Le malin vient attiser cela. C'est pour ça que la femme révèle ce qu'il y a dans son cœur dans le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Et ça, Dieu n'avait pas dit cela, mais c'était une convoitise qui était dans son cœur. Elle prit de son fruit et en mangea. Donc, voici la séduction qui a commencé par une convoitise du cœur et qui s'est traduite maintenant par un passage à l'acte. Donc, elle a mangé. Qui lui avait donné le commandement? C'est Adam qui lui a donné le commandement. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Retourner voir Adam et lui dire, mais toi tu m'as dit, Dieu a dit que si on mange de ce fruit, on va mourir. Mais le serpent dit que si on mange de ce fruit, on ne mourra pas. Mais ça va nous ouvrir l'intelligence. Mais le verset 6 dit, il y avait des désirs déjà corrompus dans son cœur. Et donc elle a agi selon ces désirs-là. Donc c'est pour ça qu'en agissant comme ça, elle n'a pas tenu compte, un, de la parole de Dieu que l'homme lui avait transmis. Deux, elle n'a pas référé à l'homme qui lui avait transmis ce commandement-là pour savoir si elle devait obéir au serpent. Donc, voilà les deux transgressions dont elle s'est rendue coupable. Donc, elle n'avait même pas à parler avec le diable. Elle aurait dû écouter ce que le diable lui a dit, aller prendre maintenant son mari, dire, voici quelqu'un qui est en train de me dire autre chose que ce que tu m'as dit. Toi, tu m'as transmis le commandement de Dieu. Lui, dit autre chose. Viens parler avec lui. Viens t'arranger avec lui. C'est ce qu'elle aurait dû faire. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a parlé au diable directement. Donc, elle a oublié derrière elle que c'est l'homme qui lui avait transmis le commandement de Dieu. Voilà pourquoi la femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu. Elle ne doit pas parler. Pourquoi? Parce qu'elle sera confrontée directement au diable. Et ça va se passer comme c'est là dans la parole de Dieu. Comme le Genèse 3-6 va se reproduire quand la femme enseigne. Le malin va venir injecter le poison là-dedans. Les adventistes du septième jour, c'est fondé par une femme. Et nous savons que c'est une secte. Parce que la parole de Dieu ne peut jamais mentir. C'est la vérité. Si Dieu a dit, ne faites pas ça, ne faites pas. Ne montrons pas que nous sommes plus sages que Dieu. Ne montrons pas que maintenant, ça c'était les temps anciens. Maintenant, la femme réfléchit, elle réfléchit même plus vite que l'homme. Si, même si c'est vrai dans les choses de Dieu, ce n'est pas la réflexion qui compte. Si Dieu a dit, faites comme ça, on fait ce que Dieu a dit. Ça ne veut pas dire que la femme, Dieu dit lui-même que la femme a part, c'est Pierre qui le dit, la femme a part au même salut que l'homme. C'est pas une question d'infériorité. Si l'homme dit, si Dieu dit que la femme n'enseigne pas, ça ne veut pas dire que la femme n'est pas, est inférieure à l'homme. Ça ne sait pas ce que ça veut dire. C'est juste une question de responsabilité. Même quand Dieu dit l'homme est le chef de la femme, c'est pas chef au sens humain. Parce que dans mon entreprise, quand on dit celui-là est mon chef, ça veut dire que je suis inférieur à lui. Mais dans la parole de Dieu, il ne s'agit pas de ça du tout, du tout. Quand on dit l'homme est le chef de la femme, ça veut dire l'homme est le responsable. C'est une responsabilité que Dieu lui a donnée. Mais sinon, notre salut devant Dieu est exactement le même. C'est juste une question de responsabilité. Donc voilà, celui qui est responsable et la femme a autre chose à faire. C'est tout, c'est uniquement ça. Mais la pensée du monde vient phagocyter. Maintenant, vous signez la nationalité française, il faut dire, oui, telle, la femme est égale à l'homme. Mais il y a ce désir de revendication là-dedans. Et si vous prenez 1 Jean 5 au verset 19, vous allez lire dedans. 1 Jean 5 verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde est au pouvoir du malin. Donc, le même malin qui est dans Genèse 3 ici, là, c'est lui qui vient séduire encore nos sœurs pour que nos sœurs se révoltent. De la même façon, il n'a pas changé, hein, c'est lui qui est dans le monde. Donc, ne nous attendons pas à ce que le monde nous aide à mettre en application la parole de Dieu telle qu'elle est. Au contraire, le monde, puisqu'il est dominé par le malin, comme nous dit 1 Jean 5 au verset 19, le monde va nous amener dans ce que nous voyons dans Genèse 3, ce que le diable dit à la femme là, c'est la même chose que le monde nous dit aujourd'hui. Il faut revendiquer tous ces droits là. La femme est chef d'entreprise, elle commande les hommes et c'est ça qu'on voit. On veut que la femme se hisse. C'est l'esprit du monde, c'est pour aller contre la parole de Dieu, c'est uniquement ça. Et là dans les prophéties, si vous prenez, on est dans Timothée là, regardons. Regardons dans 2 Timothée, on va voir quelque chose. 2 Timothée 3, verset 1. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, quoi ? Blasphémateurs. Blasphémateurs, c'est-à-dire ils diront le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Et c'est ça qu'ils feront. Rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, incapables, calomniateurs, sans frein, ennemis des gens de bien. Traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu, ils garderont une apparence de la piété, ainsi de suite. Dans d'autres versions, il y a irréligieux parmi ces versets, c'est mieux dit encore. Ici, dans d'autres versions, c'est dit irréligieux. C'est-à-dire, le monde va toujours nous conduire vers des choses qui sont contraires à ce que Dieu dit. Et ça, on a 1 Jean 5, verset 19 qui nous le rappelle. Et voilà Genèse 3, ici, qui est en train de nous rappeler ce que le serpent a dit à la femme. Exactement le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Donc, c'est à nous maintenant, avec l'Esprit de Dieu, de discerner et de ne pas céder, de ne pas laisser, justement, le malin continuer à nous conduire dans l'erreur qui était déjà dans le jardin d'Éden. Bon, tout ceci ne veut pas dire que l'homme n'est pas coupable, hein? L'homme aussi est aussi coupable, mais ici, jusqu'au verset 6, Genèse 3, verset 6, là c'est la femme qui est entièrement coupable. Elle est allée parler au serpent, elle a accepté ce que le serpent a dit, elle a obéi même à ce que le serpent a dit. Jusque là, elle est coupable. Maintenant, elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire ici? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Ne pas manger. Ici, sa femme a déjà mangé. Lui, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Retourner voir. Déjà, ne pas manger. retourner voir Dieu qui lui a donné le commandement. C'est aussi simple. La femme ne devait pas obéir au serpent, elle devait retourner à l'homme. L'homme aussi vient, il écoute ce que le malin a dit, il retourne à Dieu. Il dit, voilà, c'est toi qui m'as donné le commandement, celui-ci lui dit le contraire. C'est ce que l'homme aurait dû faire. Ne pas manger, retourner voir Dieu, puisqu'il avait une communion parfaite avec Dieu. Chaque jour, Dieu venait parler avec l'homme. Il aurait dû retourner à Dieu maintenant et dire, voici ce qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il en mangea. Donc voilà, hop, il n'a pas cherché à aller plus loin. Paf, il a mangé, donc lui aussi, il était séduit. On voit juste que ce n'est que l'ordre de séduction qui change, mais l'homme aussi a été séduit. Bon, on a compris tout cela. Nous sommes en fait en train d'expliquer Timothée. Hein. C'est tout ce que nous sommes. Et nous sommes partis de l'ordre dans le culte, en fait. On a commencé, en fait, au début, parce qu'il y a des frères qui nous ont rejoints, je leur explique pourquoi nous en sommes là. Au début, on devait prier, et avant de prier, puisqu'on a des bien-aimés qui viennent de commencer, en fait, dans le Seigneur, et j'étais en train d'expliquer, en fait, qu'il y a un ordre de bienséance dans le culte. Déjà, tout le monde ne peut pas prier en même temps, parce qu'on aurait pu dire, on prie. Je commence peut-être à prier en même temps, il prie aussi de l'autre côté. Donc j'étais en train de leur expliquer l'ordre de la bienséance et nous sommes tombés là-dessus. Et j'ai expliqué aux frères parce que la responsabilité de l'église de Nice repose sur le frère là-bas. Et je lui ai expliqué qu'il y a certains comportements qu'il va voir arriver. Il y a des gens qui vont venir se réunir avec eux, qui vont amener des doctrines qui ne viennent pas de Dieu parce qu'ils ont été pollués déjà dehors. Quand ils vont amener ça, il appartiendra aux frères d'ouvrir la parole de Dieu et de leur dire, regardez ce qui est écrit ici. Ce que vous apportez là, ce n'est pas ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc nous ne pouvons pas accepter cela. Donc soit on se plie tous à la parole de Dieu, soit en tout cas on ne peut pas accepter ce que vous apportez là. Donc et ça va être un travail important sur lequel il faudra être intransigeant. Parce que si vous êtes infecté par quelque chose, voilà comment justement Dieu ne pourra pas se glorifier au milieu de vous. Donc il vaut mieux être 3-4 comme ça, être dans la vérité, que d'être 25 et être dans l'erreur. Donc c'est pour ça qu'il faut traiter des problèmes à la racine dès que ça se présente, immédiatement. Bon, continuons dans Timothée, 2 Timothée, verset 1 Timothée 2, verset 15 maintenant. On a dit la femme s'est rendue, a été séduite et puis elle s'est rendue coupable de transgression. Verset 15, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification avec modestie. Donc, on a compris que la femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu, mais elle doit écouter en silence. Si elle a une prophétie à apporter, elle attend son tour, et puis elle pourra apporter la prophétie. Et on a compris aussi que l'ordre et la bienséance que le Seigneur nous demande à appliquer dans le culte, c'est que l'un parle après l'autre. Donc, 1 Corinthiens, nous sommes dans 1 Corinthiens 14, verset 35. On a dit, comme il y a des sœurs qui n'ont pas de mari ou qui ont des maris qui ne sont pas convertis ou qui ont des maris qui ne peuvent pas encore, qui n'ont pas encore la maturité spirituelle de pouvoir répondre à toutes les questions des sœurs. Donc, quand on finit de donner la parole de Dieu, on prévoit un temps de partage où les sœurs peuvent parler, poser leurs questions, dire des aspects qu'elles n'ont pas compris pour qu'on puisse les aider à avancer. Donc, et après, il dit, est-ce de chez vous qu'est sorti? Que la parole est sortie, ou est-ce vous, à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il connaisse, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un ignore, qu'il ignore. Amen. Vous avez compris? Et si quelqu'un l'ignore, c'est qu'il est ignoré de Dieu. Donc si on lit le commandement de Dieu et on dit j'ignore cela, c'est-à-dire que je n'en tiens pas compte, qu'il sache qu'il est ignoré de Dieu. Je vais aller maintenant dans 1 Corinthiens 11 et puis je vais descendre tout doucement là-dedans. Parce parce qu'on l'a lu tout à l'heure, et ça fait partie de l'ordre et de la bienséance dans le culte par rapport à ce qui s'est passé. Je vais d'abord finir avec Genèse 3, parce qu'il y a quelque chose là-bas qu'on n'a pas vu, les conséquences de ce qui s'est passé. Parce que l'homme a mangé du fruit de l'arbre et il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, verset 7, Genèse 3, verset 7, « Les yeux de tous les yeux, les deux s'ouvrirent. » Est-ce que c'est la connaissance qui a commencé? Est-ce que ça a ouvert le discernement? Il prit connaissance du fait qu'ils étaient nus. Donc, ça, c'est par là que ça a commencé. C'est pas l'intelligence qui est venue, mais c'est d'abord la conscience de la nudité. Bon, laissons ça maintenant. Allons maintenant à Genèse 3, verset 9. Qu'est-ce qui se passe? Prenons même à partir du verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et la femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu. L'homme et la femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu. Parmi les arbres du jardin. Pourquoi ils se sont cachés? Parce qu'ils avaient conscience qu'ils ont transgressé la parole de Dieu. Ils avaient conscience qu'ils ont fait quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Donc, ce péché a rompu la communion avec Dieu. De la même manière, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous péchons, le Saint-Esprit nous donne le même sentiment qu'ils avaient là. On comprend qu'il y a maintenant une barrière entre Dieu et nous. Et cette barrière-là, c'est le péché qui nous empêche d'être en communion avec Dieu. C'est pour ça qu'ils sont allés se cacher. Bon, ils n'avaient pas encore compris qu'on peut se repentir. Alors, verset 9 maintenant. Raphaëlla, on fait le culte ici, là. Allez, dans la chambre. Verset 9 maintenant. L'Éternel Dieu appela... C'est quand même très surprenant. L'Éternel Dieu appela, normalement il aurait dû appeler la femme. Pourquoi? Parce que c'est la femme, c'est au serpent que la femme a parlé. C'est au serpent, c'est à la femme que le serpent a parlé. Donc, et c'est la femme qui a mangé en premier. C'est d'ailleurs ce que 2 Timothée là-bas disait. 1 Timothée 2, verset 13. Mais quand Dieu vient, il parle à l'homme directement. Qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Donc, quand Dieu arrive, Dieu s'adresse au responsable. Dieu s'adresse à celui à qui il a donné l'autorité. Amen. On va poursuivre. Donc, pendant que... L'électricité était coupée parce que en même temps nous sommes en train de partager la parole de Dieu. En même temps nous sommes en train de communiquer aux frères de Nice qui sont en ligne avec nous des expériences que par lesquelles nous nous sommes déjà passés et que Dieu nous a aidés en fait hein, à résoudre, auxquels vous serez certainement confrontés aussi. Donc on vous communique cela au travers de la parole de Dieu afin que vous puissiez être fortifiés et pouvoir marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc il y a un sujet que Charles a soulevé tout à l'heure, mais c'était coupé. Il a demandé à la sœur de Linda pourquoi elle ne se voile pas. Je crois que peut-être vous avez remarqué ça aussi. Allô? Ah, c'est coupé. Ouvre le micro. Le micro qui est dans ce... Vous avez coupé le micro. Allô, allô? Oui. Allô? On n'entend pas. Oui. Voilà, là c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà, ok. Donc, j'étais en train de dire que Charles a posé la question à Cora, la sœur de Linda, pourquoi elle ne se voile pas les cheveux. Vous avez constaté ça ou pas? Oui. Ah, vous vous êtes posé la même question aussi? Si, oui. Voilà, ok. Lui, il a osé poser la question. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que vous serez confrontés aussi à cela. Vous aurez des bien-aimés, ce sont des frères, ce sont des sœurs aussi hein, dans le Seigneur. Ce n'est pas qu'elles ne connaissent pas le Seigneur. Mais qui vont venir au milieu de vous avec des enseignements qu'elles ont reçus. Et il va t'appartenir à toi, Amancio, d'ouvrir la parole de Dieu comme nous sommes en train de faire là. Et de pouvoir expliquer ça à la sœur qui est venue. Parce que d'autres personnes, ils vont aller prendre le voile tout de suite, ils vont dire voile-toi et puis ils vont continuer. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. On doit ouvrir la parole de Dieu et enseigner petit à petit ce que nous sommes en train de faire là. Parce qu'il y a des gens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, non pas parce qu'elles sont rebelles à la parole de Dieu, mais parce qu'on ne leur a jamais expliqué la parole de Dieu simplement, en profondeur dans les termes. Donc voilà pourquoi elles marchent dans l'erreur. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas une erreur volontaire, ce n'est pas de la rébellion, mais c'est le manque de connaissance. Donc, et ça, il nous appartient de prendre, en tout cas nous, en tant que frères, hein, et c'est ça que nous sommes en train de voir là. D'ailleurs, on va continuer là-dedans. Dans Genèse 3, au verset 9, quand l'Éternel est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers l'homme à qui il a transmis la parole. Et c'est à l'homme qu'il a commencé à s'adresser. Donc, si le Seigneur arrive au milieu de vous, là-bas à l'église de Nice, et que le Seigneur trouve qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, une sœur par exemple qui n'est pas voilée, c'est à toi qu'il va poser la question à mention. Il va te demander pourquoi la sœur n'est pas voilée. D'accord? Donc il va falloir que toi tu répondes au Seigneur. Ce n'est pas à la sœur qui va demander, c'est à toi qui va demander. Parce que c'est à toi qu'il a confié la responsabilité d'enseigner la parole de Dieu. Donc voilà pourquoi, quand nous constatons une situation pareille, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas comme Adam. Adam, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé du fruit aussi. Je ne vais pas dire maintenant, bon, les sœurs qui sont voilées, enlevez vos voiles et puis on arrête comme... Non. On va entrer dans la parole de Dieu. C'est ça que nous sommes en train de faire. Et on va expliquer maintenant à la sœur qui n'a pas encore reçu l'enseignement sur le voile, voici ce que la parole de Dieu dit. Et on va laisser la sœur avec cet enseignement-là. Et le Saint-Esprit va la convaincre. Si maintenant la sœur, après avoir reçu l'enseignement, refuse de se voiler, ça c'est son problème avec le Seigneur. Mais maintenant quand le Seigneur va venir, il va me demander pourquoi est-ce que la sœur n'est pas voilée. Je vais dire, Seigneur, j'ai enseigné ta parole. Maintenant, le Seigneur va dire, ah d'accord, tu as donné le message. Adam, tu avais transmis le commandement. Oui, j'avais transmis. Le Seigneur va aller voir directement la personne pour lui demander, toi maintenant tu as reçu l'enseignement, pourquoi tu n'as pas obéi? D'accord? Mais ma responsabilité en tant qu'enseignant de la parole de Dieu sera déchargée. Moi je ne vais jamais refuser que quelqu'un ne prie pas avec moi parce qu'il n'est pas voilé. Mais une fois que je lui ai donné l'enseignement de la parole de Dieu, ma responsabilité n'est plus engagée. C'est comme ici, je vais prêcher qu'il ne faut pas pratiquer le péché. Mais si quelqu'un veut pratiquer le péché, c'est sa responsabilité avec Dieu. Tout ce que Dieu va me demander en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, est-ce que tu as enseigné aux gens qu'ils ne doivent pas marcher dans le péché? Oui, Seigneur, j'ai enseigné. Le reste maintenant, c'est de la responsabilité des personnes. Amen. Bon, donc, continuons à enseigner, à évoluer là-dessus. Nous étions dans Genèse 3. Marien, s'il te plaît, on va allumer juste derrière toi. Genèse 3, verset 9. Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché, autant pour moi. L'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défait? Donc l'Éternel revient encore sur son premier commandement et le seul qu'il avait dit. Il lui avait dit que tu mourras et il lui avait défendu et dont tu as mangé. Donc en fait tu as transgressé. Est-ce que vous pensez que quand le Seigneur parle ici, il ignore que c'est sa femme qui lui a demandé de manger? Le Seigneur n'ignore pas ça. Mais le Seigneur met la responsabilité sur l'homme. Il lui dit, tu as mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as mangé, tu as désobéi à ma parole, alors que je te l'avais donné. Alors, il dit, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, C'est la femme que tu... L'homme va maintenant essayer de se décharger. Ah. En plus, dans la manière dont il veut se décharger, il accuse même Dieu en plus. Il ne dit pas c'est la femme. Il dit c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Ça sous-entend que si Dieu n'avait pas mis la femme à côté de lui, il n'aurait pas péché. Donc il met même Dieu en accusation. Il ne se rend même pas compte qu'il met Dieu en accusation. Il dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'en a donné. Mais il reconnaît quand même, il dit, et j'en ai mangé. Et c'est une conjonction de coordination, c'est une conséquence. Il dit, c'est parce qu'elle me l'a donné que j'ai mangé. Autrement dit, si elle ne me l'avait pas donné, je n'aurais pas mangé. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il dégage sa responsabilité sur quelqu'un d'autre. Ce qui, un, sur Dieu, parce que c'est Dieu qui a amené la femme. Deux, sur la femme, parce que c'est elle qui a apporté le fruit. Donc, pour lui, il n'est pas responsable. S'il a mangé, ce n'est que la conséquence de ce que les autres ont fait avant lui. Dieu qui a créé la femme et la femme qui lui a amené le fruit. Bon. Et il pense que c'est comme ça qu'il va être déchargé. Souvent, nous aussi, quand nous péchons, nous disons, ah, j'ai peut-être, je ne sais pas moi, j'ai réagi d'une mauvaise façon. Et quand le Seigneur, le Saint-Esprit nous reprend, il nous dit, tu as mal agi. Et nous, on a tendance à nous justifier et dire, si l'autre ne m'avait pas provoqué, d'abord, je n'aurais pas réagi comme ça. Le Seigneur, ce n'est pas ça qu'il veut savoir. Bon. Regardons comment ça continue. Verset 13. Genèse 3, verset 13. Alors, l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Vous avez vu, le Seigneur a d'abord, il y a un ordre, il a d'abord parlé à Adam. Ensuite, il dit, ok, Adam a donné sa raison, maintenant je vais plus loin. Toi, la femme, maintenant, pourquoi tu as fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? Et ça, ça nous confirme encore que Dieu a donné le commandement, l'autorité à Adam pour qu'il transmette ce commandement à la femme. Parce que nulle part, Dieu n'a dit à la femme, tu ne mangeras pas. Mais Dieu lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Ça suppose qu'elle est au courant de ce commandement-là. Et si elle est au courant alors que Dieu ne lui a jamais dit ça, c'est parce que Dieu a donné la commission, il a donné le commandement à l'homme de transmettre cela à la femme. Donc c'est pour ça que Dieu peut poser la question directement à la femme ici. Pourquoi tu as fait cela? Parce que tu étais censé savoir que tu ne devais pas le faire. Et c'est au travers de l'homme que tu as reçu ce commandement. La femme répondit, le serpent m'a séduite. Donc elle reconnaît qu'elle a été séduite. Dans ma version, c'est le serpent m'a induite en erreur. C'est ce qu'elle dit ici. Donc elle reconnaît qu'elle est tombée dans l'erreur et j'en ai mangé. Ah, la femme aussi n'a pas dit, oui, c'est vrai que... Donc, il n'y a pas un esprit de repentance. Il n'y a pas l'esprit de repentance ici. Ah, c'est vrai qu'effectivement, Adam m'avait bien transmis le commandement. Il m'avait dit qu'on ne doit pas manger. J'en ai mangé, pardonne-moi Seigneur. Pas du tout. Elle remet la faute sur quelqu'un d'autre, le serpent. Quand elle dit le serpent, qu'est-ce que ça veut dire? Retournons dans Genèse 2, verset 19. Parce que tout est lié. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. Le verset 1 de Genèse 3 dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait fait. Amen. Donc, quand la femme aussi ici dit, le serpent m'en a, le serpent m'a séduit, m'a induite en erreur et j'en ai mangé, elle accuse aussi Dieu. Parce que c'est Dieu qui a amené le serpent là-bas. Comme on a lu là dans les versets. Autrement dit, si Dieu n'avait pas amené le serpent, elle n'aurait jamais fait cela. Donc, elle ne reconnaît pas sa culpabilité, mais elle décharge ça sur quelqu'un d'autre, sur le serpent. Bon, continuons maintenant. Verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fais cela. Dieu n'a rien demandé au serpent parce qu'il n'y a personne après lui. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc, le Seigneur a immédiatement posé une sentence sur le serpent qui est à l'origine du péché. Immédiatement, il n'a rien demandé, il n'a pas demandé d'explication au serpent, mais il a immédiatement frappé le serpent de sentence. Si le diable vient nous séduire, Dieu a déjà prononcé la sentence du diable, c'est dans Apocalypse 20, il sera enchaîné pendant 1000 ans et après il sera jeté dans les temps de feu et de soufre. Donc, sa condamnation est déjà écrite. Il sait là où il va partir. Donc, Dieu n'a plus besoin de le punir davantage. Si le diable nous séduit, Dieu ne va plus le punir. Sa sentence est déjà écrite. C'est juste que l'horloge tourne jusqu'à ce qu'elle soit mise en application. Mais par contre, qu'est-ce que le Seigneur fait après? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est alors avec peine que tu accoucheras, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Mais il dominera sur toi. Donc, Dieu remet l'ordre qui était au début. Comme une sentence. Il remet l'ordre qui était au début. C'est l'homme qui est le chef. Le responsable, d'abord. C'est d'abord lui qui parle et ensuite la femme vient. Donc, il dominera sur toi. Il dit à l'homme, il aurait pu excuser l'homme. Non, pas du tout, il n'excuse pas. Parce que tu as écouté. Donc, la faute de l'homme, c'était écouter la femme d'abord. Écouter. Si tu es un homme, tu viens t'asseoir pour qu'une femme t'enseigne, tu pèches contre Dieu. Tu as écouté la femme. C'est écrit ici là. Parce que tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu. Tu as écouté d'abord. Donc, comme tu as écouté, la mauvaise semence qu'elle avait prise déjà du serpent est venu dans ton cœur, parce que tu as ouvert ton cœur et tu as laissé s'entrer. Ok, si une femme est en train d'enseigner, on ne va pas fuir. Si elle enseigne, on peut écouter, mais ce n'est pas pour autant qu'on va ouvrir notre cœur pour recevoir cela. Si c'est qu'on n'a pas moyen de lui dire d'arrêter de faire ce qu'elle fait, ça va entrer dans nos oreilles, mais notre cœur est fermé par rapport à ça, parce qu'on sait qu'elle n'a pas l'autorité de le faire. Alors, continuons maintenant. Tu as mangé l'arbre dont... Attends, on est verset 16. Verset 17, autant pour moi. Et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu, le sol, donc même la nature là, le sol sera maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alors, et ainsi de suite. Donc, nous avons compris comment le Seigneur a procédé. Et le Seigneur les a fait sortir du jardin en verset 23. L'Éternel Dieu le renvoya du jardin pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et les flammes, la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie. Bon, bref. Donc là, on a compris comment le Seigneur, ce qui m'importait en fait ici, c'est déjà un, il y a une sentence par rapport à ça, au fait que le Dieu a donné un commandement, on n'a pas obéi. Et deux, c'est dans quel ordre de responsabilité Dieu a intervenu. Il a d'abord parlé à l'homme. Ensuite, il a posé la question à la femme et enfin, il est allé voir le diable. Donc, s'il y a un problème dans l'église, il y a un problème d'ordre, de bienséance qui n'est pas respecté, Dieu va d'abord s'adresser aux frères, les frères qui sont là Est-ce que vous avez obéi? Est-ce que vous avez transmis mon commandement? Est-ce que, pourquoi est-ce que les choses ne se sont pas passées comme j'ai enseigné dans la parole, comme je vous ai donné la parole? Donc, c'est dans cet ordre-là que le Seigneur a fait les choses. Allons maintenant dans 1 Corinthiens 11. Nous allons aller beaucoup plus en détail maintenant. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé là dans le jardin d'Éden. Lorsque 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans le texte grec, c'est il est une nouvelle création. Donc, tout ce qui constitue l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui sont nés de nouveau, qui sont devenus des nouvelles créatures, des nouvelles créations. Donc, en fait, l'Église est le peuple de le nouveau peuple de Dieu. Voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on le comprend. L'Église est le nouveau peuple de Dieu parce que celui qu'il s'était constitué avec Adam a hérité de la racine du péché. Donc, Dieu a voulu constituer un peuple à partir de Adam, mais Adam a hérité du péché et Jésus est venu résoudre le problème du péché. Et quand Jésus a résolu le problème du péché, Dieu recommence la création maintenant. C'est pour ça qu'il dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création, une nouvelle créature. Donc Dieu commence une nouvelle créature, une nouvelle création avec l'Église. Forcément, il est naturel que lorsque on repart, on recommence avec de nouvelles choses. Jésus a dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Hein? Autrement, elles vont se rompre. Donc, Dieu ne va pas bâtir l'Église sous des fondements qui ont raté avant, dans le jardin d'Éden. Il va apporter des corrections par rapport à ce qui n'a pas été. Donc, c'est pour ça que il y a des corrections qui sont là dans la parole de Dieu, des garde-fous que le Seigneur avait mis, que le Seigneur n'avait pas eu, n'avait pas mis dans le jardin d'Éden. Et la transgression est arrivée. Mais maintenant, dans la nouvelle création, dans le nouveau peuple de Dieu qu'est l'Église, le Seigneur a pris la peine de mettre ses garde-fous. Nous savons que le Seigneur dit déjà, par exemple dans Jean 4, Dieu est esprit, Jean 4 verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc nous, le peuple spirituel de Dieu, tout se passe en esprit pour nous. Donc lorsque nous nous réunissons pour faire un culte, nous sommes physiquement là, mais Éphésiens dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, dans notre culte. Quand on dit par exemple, là où deux ou trois sont réunis, je suis présent au milieu d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est que Jésus est présent ici là? Jésus est toujours là où il est, mais nous sommes présents assis dans les lieux célestes, donc nous sommes devant lui en fait. C'est ça qui se passe. Nous rendons notre culte en esprit. Et comme nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ lorsque nous rendons notre culte, donc forcément, nous sommes devant Dieu quand nous rendons notre culte en esprit. Donc voilà pourquoi lorsque nous rendons ce culte-là en esprit, Jésus est présent au milieu de nous. Là où deux ou trois sont présents, je suis là, je suis au milieu d'eux. Parce que c'est en esprit que les choses se passent. Maintenant, les lois naturelles que nous avons ici, lorsque nous entrons dans l'esprit, ces lois-là ne sont plus vraies. Il y a un code que Dieu donne dans sa parole qui s'applique maintenant quand nous entrons dans le domaine spirituel. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe et Dieu veut que le culte, parce que le culte, il se passe ici charnellement entre nous, mais en fait, c'est un culte qu'on rend à Dieu. Donc, nous sommes rendus dans les lieux célestes avec le Seigneur et il y a un ordre qui doit être respecté là-bas. Il y a une manière de faire qui agrée au Seigneur. Sinon, notre culte va rester sur la terre. Si notre culte ne respecte pas l'ordre de Dieu, c'est pas un culte spirituel, il n'entre pas dans le ciel. Nous allons beau danser, sauter, faire tout ce qu'on veut, ça restera sur la terre, la chair sera séduite. Mais s'il y a des éléments dans notre culte que Dieu a interdit dans sa parole, ça reste un culte terrestre. C'est pas un culte spirituel. C'est pour ça qu'on doit faire très attention. Si le Seigneur dit qu'une chose doit se passer, nous devons la mettre en application. Frère, en même temps, je continue à insister. Paul disait à Timothée, prêche la parole. Ce sont des choses que je suis en train de te transmettre, auxquelles tu seras confronté. Et il faudra que tu sois ferme, comme Paul a dit à Timothée, par rapport à la parole de Dieu. Il faut que tu prêches la parole. Même si les gens ne comprennent pas, même s'ils sont rebelles à cette parole, prêche la vérité, prêche toujours, prêche la parole. Amen. Prenons maintenant 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, Dieu est le chef de Christ. Donc, on voit déjà que lorsque nous sommes dans le domaine spirituel, il y a un ordre que Dieu a établi. C'est pas en désordre. Tout le monde ne fait pas tout. Il y a un chef, il y a quelqu'un qui vient, il y a un responsable. En fait, le chef là, il appelle sa tête même. C'est donc, il y a une tête qui doit faire quelque chose et l'autre fait autre chose et ainsi de suite. Alors, allons maintenant plus loin. Tout homme, puisque, c'est une conséquence. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. En conséquence de cet ordre-là, parce qu'il y a un ordre établi, tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. C'est parce qu'il y a un chef au-dessus de lui. C'est parce que je reconnais que Christ est la tête de l'église, que lorsque je vais me mettre à prier ici, je ne vais pas aller prendre une casquette pour mettre sur ma tête. Si je mets une casquette sur ma tête, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne reconnais pas celui qui est au-dessus de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma prière ne va pas traverser le dessus de ma tête. Je vais prier, ça va descendre au lieu de monter. Parce que je ne reconnais pas celui qui est au-dessus de moi. Je ne reconnais pas l'ordre que Dieu a établi. Donc, je prie en couvrant ma tête en tant qu'homme. Maintenant, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête, donc la prière prophétisée, dans la prière, l'adoration, tout ça, ça fait partie de la prière. Donc, prier, prophétiser, en fait, on parle de la femme qui est en train de rendre un culte à Dieu, qui est devant la présence de Dieu, qui est assise dans les lieux célestes en Christ et qui est en train de rendre son culte à Dieu. Maintenant, il est dit, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. C'est-à-dire que si je viens, je suis en train de prier charnellement là, dans le culte terrestre ici là, si ma tête n'est pas voilée, ça veut dire que lorsque je rentre dans les lieux célestes en Christ, là-bas, Dieu lui me voit comme si je n'avais rien sur la tête. C'est comme si c'était rasé. Parce que la chevelure, je vais même expliquer ça plus tard. Parce que la chevelure pour Dieu là-bas ne constitue pas le voile qu'il a donné. C'est pour ça qu'il dit c'est comme si elle était rasée. C'est-à-dire que la réalité physique que nous voyons au travers des cheveux rendus dans le spirituel pour Dieu, c'est comme si ça n'existait pas. C'est pour ça qu'il dit ici, c'est comme si elle était rasée. Bon, et il l'explique maintenant. Et c'est ça qui est très important. Et c'est pourquoi on se pose la question, mais pourquoi on ne comprend pas cela alors qu'il l'explique en détail? Pourquoi est-ce que c'est dit comme ça? On aurait pu dire, oh non, il dit seulement comme ça. Non, il y a une explication. Car si la femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi, les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Je vais m'arrêter d'abord sur ce verset-là. Et je vais expliquer doucement, Amancio, suis bien ce que je vais expliquer. Je vais expliquer ça tout doucement pour que toi tu puisses l'expliquer aussi tout doucement aux sœurs, si les sœurs viennent chez toi et qu'elles ne mettent pas le voile. Parce qu'il y a un verset qui amène les sœurs à dire que la chevelure suffit comme voile. Voilà ce que tu vas leur expliquer. Prenons verset 15. Mais que c'est une gloire pour la femme d'Abraham. Je lis à partir du verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. En effet, la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Dans ma version, le mot voile, il y a un petit renvoi là-dessus pour expliquer c'est quoi le voile. Mais l'autre voile, il n'y a pas de renvoi. Donc, chez moi, c'est expliqué manteau. La chevelure lui a été donnée comme manteau. Dans d'autres versions, c'est carrément écrit la chevelure lui a été donnée comme ornement. La chevelure lui a été donnée comme parure dans d'autres versions. Pour l'embellissement, pour la beauté de la création de Dieu. C'est pour ça que la chevelure a été donnée à la femme. Mais ce n'est pas le voile au sens de remplacer tout un enseignement de la parole de Dieu. Bon. Maintenant, considérons tout doucement que effectivement la chevelure est le voile de la femme. D'accord? Si on considère que c'est ça qui est la bonne explication. La chevelure étant le voile de la femme, je retourne maintenant au verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, si la chevelure est le voile de la femme, comment je traduis ce verset? Car si une femme n'a pas de cheveux, amen. Si une femme n'a pas de cheveux, puisque la chevelure c'est son voile. Si le verset dit, car si une femme n'est pas voilée, je remplace cela par les cheveux, le voile par les cheveux, puisque le verset 15 me dit que c'est le voile ce sont les cheveux. Car si une femme n'est pas voilée, c'est-à-dire si une femme n'a pas les cheveux, la suite du verset dit qu'elle se coupe aussi les cheveux. Est-ce que c'est possible de ne pas avoir les cheveux et de les couper? C'est un non-sens. Si la femme n'a pas de cheveux, qu'elle se coupe les cheveux. Allez donc m'expliquer cela. Je vais expliquer dans un autre côté maintenant. Si la chevelure est effectivement le voile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Marien qui est ici là, Marien vient un peu. Vous avez vu la tête de Marien? Qu'est-ce qu'il a? Il a un voile sur la tête. L'homme qui prie la tête couverte déshonore son chef. Ça veut dire que Marien qui est ici là déshonore le Seigneur. Parce qu'il a mis un voile sur sa tête. Ça voudrait dire que nous devons, dès que nous avons un peu de cheveux sur la tête, nous devons couper ça immédiatement. Parce que ça déshonore Dieu. Autrement dit, nous devions, nous les hommes, prier toujours crâne rasé, sans rien dessus. Si la chevelure, c'est vraiment un voile, ça veut dire que tous les hommes qui prient avec les cheveux ont la tête voilée. Donc, ils déshonorent, ils ont la tête couverte, donc ils déshonorent leur chef. Et c'est comme ça qu'on comprend en fait que c'est un non-sens de dire au verset 15 que la chevelure est le voile de la femme. Parce que à cause de cette explication-là, ça va contredire la plupart des versets qui sont là. Maintenant, on peut aller plus loin. Si nous regardons de près hein, le mot voile, si nous le regardons de près, je vais essayer de l'afficher. Donc, en fait, ici, là, j'ai mis un logiciel que j'utilise qui compare, en fait, la parole de Dieu dans plusieurs versions de la Bible. Ici, dans verset 15, « Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée en guise de voile. » Donc, ici, là, c'est une version. Si je prends cette version-ci, par exemple, la version Chouraki me dit, mais la femme qui porte de longs cheveux, c'est pour elle une gloire parce que la chevelure lui a été donnée en guise de parure. Alors, la version de l'épée, je crois, qui donne aussi une bonne traduction, dit « Mais que si la femme porte de longs cheveux, c'est un honneur pour elle parce que la chevelure lui a été donnée pour ornement. » Donc, si je prends maintenant la version seconde qui dit que ça a été donné comme voile, je vais faire quelque chose. Voilà. Donc, en fait, ici, je vais afficher le texte grec d'origine, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc, je vais regarder le mot grec, le mot grec qui renvoie justement à voile. Si je prends, par exemple, verset 6, alors, voilà. « Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe les cheveux aussi... » Attends, non, je vais prendre le verset 4 qui parle de voile. Alors, est-ce que vous voyez le mot voile? Voilà, oui, c'est la fin du verset 6. « Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. » Bon, je vais prendre le mot voile qui est là. Qu'elle se voile. Alors, voilà le mot grec qui est là. Le texte d'origine appelle ce mot-là katakalupto. C'est ça le mot grec de base qui est là-dessus. Bon, on va voir maintenant, est-ce que c'est le même mot qui est utilisé? Ben, si vous voyez encore dans d'autres... Il y a d'autres versets hein, où il parle de voile. Si, voilà, ici. Verset... dans un autre verset, à part le verset 15, on doit avoir voile. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez repérer cela. Parce que quand moi je prends le verset 15, ici, c'est un autre mot qui est là. Péribolarion. C'est autre chose. Et ici, il explique ça, manteau, couverture. C'est à cause, emballage, c'est à cause de la pauvreté du français qu'on traduit ça par voile. C'est deux mots différents. Le mot voile qu'il utilise dans d'autres versets est différent de celui qui est utilisé dans le mot, le verset 15. Je pense qu'il y a, d'autres versets qui renvoient au voile. Donc, si je prends par exemple ici, alors, on a parlé du verset 6, toute femme au contraire qui prophétise la tête non voilée. Voilà, on voit ça. C'est, il y a la racine du mot voile qu'on retrouve là-bas, c'est ici là, c'est le voile qui est la couverture en fait. On retrouve cela, c'est pour ça que je cherchais des passages justement pour montrer que quand il parle du voile, qui est celui qu'on doit se mettre sur la tête, c'est le même mot qui est utilisé en grec. Mais quand il parle ici au verset 15 de la chevelure et qu'on traduit par voile, c'est un autre mot grec qui est utilisé. C'est pas le même mot du tout. Donc, ça renvoie à deux choses différentes. C'est pour cela que, en fait, c'est un problème de traduction. Quand on a ramené ça au français, à cause de la pauvreté du français, on a utilisé un mot qu'il ne fallait pas, qui crée une confusion. Et d'où ça vient? Genèse 3, c'est la même chose. Le malin vient semer le doute sur la parole de Dieu avec une confusion comme ça. C'est exactement ce qu'il crée depuis et les sœurs sont dans la désobéissance à cause de ça, alors qu'il s'agit de deux mots. Si nous avions tous la Bible en grec, il n'y aurait absolument aucun problème. Aucun problème, on aurait vu deux mots différents. On n'aurait pas ce problème-là. Mais maintenant, nous sommes confrontés à ce problème parce que nous lisons dans des langues traduites déjà. Et ça pose un problème. Donc, en fait, c'est ça que j'étais en train d'expliquer à Mancio. C'est juste un problème de traduction. mais qui fait justement en sorte que le diable justement apporte la séduction, parce que c'est toujours ça. Depuis le jardin d'Éden, le diable prend la parole de Dieu et il essaye de séduire avec, il essaye de retourner un mot, il essaye de mettre le doute sur quelque chose que Dieu a dit. Et on va voir maintenant, verset 7. L'homme ne doit pas se voiler la tête, puisqu'il est l'image de Dieu et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Donc il y a toute une explication spirituelle derrière, parce que c'est spirituel en fait. Porter le voile, c'est certes vous faites ça physiquement, mais derrière il y a une réalité spirituelle en fait, qui fait en sorte que, rendu dans les lieux célestes, ce culte que nous rendons à Dieu dans sa présence, tout ça, ça prend son sens maintenant pour Dieu. C'est Dieu qui a délibérément décidé que le fait que vous portez le voile sur votre tête, dans la réalité spirituelle, dans le ciel, ça traduit autre chose. Ça traduit pour lui telle chose. Et la femme, dans le jardin d'Éden, avait déjà la longue chevelure. Puisque c'est naturel chez la femme. Il dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc c'est naturel chez la femme d'avoir des longs cheveux. Donc Ève avait déjà ses longs cheveux et ça n'a pas empêché qu'au moment de prendre la décision devant le serpent, qu'elle prenne cette décision sans en référer à celui qui lui avait transmis le commandement. Maintenant, Dieu dans la nouvelle création sait qu'il y a déjà eu ce problème de transgression dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas laisser à nouveau la femme simplement avec la chevelure pour lui rappeler que c'est ta chevelure là qui montre que tu es sous l'autorité de l'homme. Non, puisque ayant déjà cette chevelure là, elle a transgressé la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va rajouter une couche supplémentaire, le voile. Quand tu vas poser le voile sur tes cheveux qui vont d'ailleurs cacher cet ornement-là qu'est apparu, la chevelure de la femme, ce voile-là va te rappeler que tu as une autorité. Donc si tu es devant une parole qui semble contraire à ce que l'homme t'a transmis, tu vas aller voir celui qui fait en sorte que tu aies ce voile-là sur la tête. Tu vas aller le voir pour lui dire, c'est à cause de toi que j'ai ce voile-ci sur la tête. Donc toi, viens m'expliquer cette parole-là que je suis en train d'entendre. C'est pour ça que c'est important. Et maintenant, rendu dans les lieux célestes, qu'est-ce qui se passe? Verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Donc, il y a un ordre en plus. Donc, l'homme a d'abord été créé, la femme ensuite, et Dieu veut que ça soit manifeste dans le culte des enfants de Dieu. L'homme porte les cheveux, la femme porte aussi les cheveux. Mais Dieu veut qu'il y ait une différence entre les deux dans le culte. C'est pour ça que l'un va se couvrir la tête et l'autre pas du tout. Et dans la traduction spirituelle des choses, Dieu reconnaît que puisqu'il y a cette différence-là, ça montre bien que Marien a été créé avant Jacqueline. Parce que Jacqueline a son voile sur la tête et Marien n'en a pas. Et dans la réalité spirituelle, c'est ce que ça signifie. Alors, continuons maintenant. Mais la femme a été tirée de l'homme. Verset 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Mais dites-moi un peu, si vraiment la chevelure était le voile de la femme, est-ce que Paul aurait perdu son temps à expliquer toutes ces choses compliquées là? L'homme a été créé avant la femme, c'est pas l'homme qui a été séduit, c'est la femme. Mais il rentre dans des explications très très compliquées. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité spirituelle profonde là-dedans. Si naturellement comme ça la chevelure de la femme avait déjà réglé la question, pourquoi Paul vient nous expliquer tout ce qu'il explique ici? Il aurait laissé, puisque le problème est déjà résolu. Pourquoi est-ce qu'il va encore entrer en profondeur pour nous expliquer une réalité spirituelle qu'il y a derrière le voile alors que la chevelure a déjà résolu le problème? C'est-à-dire que 1 Corinthiens 11 du verset 2 au verset 16 n'aurait absolument pas de place dans la Bible. On devrait enlever ça. Parce que en fait, il explique quelque chose où il n'y a pas de problème. Le problème est déjà résolu. Mais s'il prend la peine de l'expliquer, ça veut dire que le problème n'est pas résolu naturellement. Continuons maintenant. Verset 10, c'est pourquoi la femme à cause des anges. Amen. À cause des anges. Est-ce que si vraiment la chevelure était le voile de la femme, les anges viennent faire quoi? C'est très compliqué quand même, hein, comme explication. À cause des anges, il parle de la création, il parle des anges. Et s'il reparle de la création, maintenant j'y pense. L'Église est la nouvelle création de Dieu. C'est pour ça qu'il revient à la création. L'homme a été créé avant la femme. Donc, il revient au principe même de la création. Parce que l'Église est une création, c'est la création de Dieu. La nouvelle création de Dieu. Et Dieu a des principes nouveaux pour cette nouvelle création-là. Alors, il dit « à cause des anges ». À cause des anges, alors nous sommes rendus au verset 10. Voilà, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Que Dieu soit béni. À cause des anges, parce que lorsque nous sommes en train de prier, nous avons dit quoi? Nous sommes rendus dans les lieux célestes en Christ. Dans la présence de Dieu, et nous savons que les anges sont là. Donc, les anges vérifient si l'ordre de la création est respecté. Si l'ordre que Dieu a établi dans le culte est respecté. Les anges sont là pour vérifier. C'est pour ça que la parole de Dieu dit « à cause des anges ». Je vais continuer après. Allons maintenant dans Ésaïe 6. Nous allons voir « à cause des anges ». Là. Ésaïe 6. Parce que lorsque nous rendons notre culte à Dieu, si nous avons une vision terrestre du culte, alors à ce moment-là, nous allons discuter sur ces principes spirituels. Mais si nous avons une vision spirituelle du culte, si nous réalisons que le culte que nous rendons à Dieu est spirituel, alors ces questions-là, on va comprendre qu'il y a une profondeur spirituelle derrière tout ce que le Seigneur nous demande de faire, qui fait en sorte que nous ne devons pas jouer avec ça. Parce que pour beaucoup, et même pour moi-même, à un moment donné, moi j'ai toujours été convaincu que la femme doit se voiler, mais quand j'étais dans les dénominations, c'était juste une conviction pour moi. Je me disais, de toute manière, Dieu enseigne à tout le monde, le Saint-Esprit va enseigner. Mais quand je me suis mis dans la prière pour demander au Seigneur, explique-moi ça, le Seigneur est allé tellement en profondeur là-dedans, la réalité spirituelle, que j'ai dit, ah, j'ai fait un enseignement vidéo dessus, j'ai envoyé à l'assemblée où j'étais. J'ai dit, maintenant je me décharge devant Dieu. Voilà la vidéo, voici ce que le Seigneur m'a révélé par rapport au voile. J'ai été avec vous, j'ai enseigné pendant 2 ans là-bas, je n'ai jamais enseigné sur ce sujet parce que moi je me disais le Saint-Esprit enseigne. Mais maintenant que Dieu, il est passé, je suis passé de la conviction à la révélation. Maintenant que Dieu m'a révélé ce message-là, j'ai compris à quel point c'est important. C'est pour ça que même pour ma fille, j'insiste pour qu'elle apprenne ces principes-là depuis l'enfance. Si nos parents avaient reçu le bon message, ils nous auraient inculqué ça depuis tout petit, on aurait grandi. Aujourd'hui, ce ne serait pas un problème. Mais c'est un problème parce qu'on a reçu tellement de mauvaises semences que maintenant, pour faire tomber ça, c'est la guerre. C'est tellement difficile parce qu'on a toujours évolué avec cela comme ça. On se dit, oui, tel peut mettre, l'autre ne met pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on prie Dieu. Mais Dieu est un Dieu d'ordre et il demande de faire les choses d'une certaine façon. Donc, nous sommes en train d'expliquer le verset 10 de 1 Corinthiens 6, à cause des anges, de 1 Corinthiens 11, à cause des anges. Prenons Ésaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, ce sont des anges les séraphins ici, les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils faisaient comment? Ils se couvraient la face. C'est une attitude d'adoration. Les séraphins qui sont les anges, eux-mêmes dans la présence de Dieu, ils se couvrent la face. Donc eux-mêmes, ils respectent la présence de Dieu, eux-mêmes, ils marchent selon le code, ça c'est le culte céleste en fait ici. C'est le culte céleste qu'on est en train de nous montrer. Donc, en fait, ça, notre culte doit être à l'image de celui-ci. Parce que, en fait, nous rendons notre culte sur la terre, mais nous savons que c'est assis dans les lieux spirituels, dans les lieux célestes en Christ. Donc, c'est comme ça que ça se passe, en fait, spirituellement. Les anges eux-mêmes ont leurs ailes et ils se couvrent, en fait, ici. Deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Sur six ailes, il y en a quatre qui servent à se couvrir, à se mettre dans une attitude justement de soumission au Seigneur. Les anges eux-mêmes se couvrent devant le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur, le verset 10 là de 1 Corinthiens 11 dit « à cause des anges ». Donc les anges eux-mêmes obéissent déjà à cette parole-là et le Seigneur leur demande de vérifier si dans le culte des enfants de Dieu qu'ils rendent là sur la terre, mais qui est un culte céleste, est-ce que eux aussi ils observent ce que vous vous faites là ? À cause des anges, la femme doit se couvrir la tête. Ils criaient l'un à l'autre, disant et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Donc c'est un culte que les anges sont en train de rendre à Dieu, de la même façon que nous aussi, nous rendons notre culte au Seigneur. Toute la terre est pleine de ta gloire, tous les soubassements frémissaient ainsi de suite et la maison se remplit de fumée. Alors je dis malheur à moi, je suis ainsi de suite. Donc ça c'était simplement pour montrer que même les anges là dans le ciel se couvrent dans la présence de Dieu. Donc nous ne pouvons pas faire exception. Je reviens dans 1 Corinthiens 11 verset 10. Marie, s'il te plaît, trouve-moi le verset de, je crois c'est Chronique qui parle de Rebecca lorsqu'elle a vu Isaac arriver. Elle se couvrit là. Voilà, on va le lire aussi pour compléter. Alors, je continue, continuons 1 Corinthiens 11, 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Pourquoi est-ce qu'il cite ça? Et c'est là justement où souvent, les sœurs ne font pas attention à ces versets-ci. Parce qu'on pense que se couvrir, ça veut dire être inférieur à. Pas du tout. Il dit, l'homme n'est pas sans la femme. Donc, il montre qu'il y a une interdépendance entre les deux. Donc, quand on dit la femme doit se voiler, ça ne veut pas dire qu'elle est inférieure à l'homme. Ça veut dire simplement qu'il y a un ordre que Dieu veut qu'on respecte. Même quand c'est l'homme qui enseigne, ça ne veut pas dire que l'homme est supérieur. Non, on est interdépendants l'un de l'autre. Et donc, c'est ici là que le Seigneur rétablit l'équilibre, cet équilibre-là. L'homme n'est pas sans la femme, ni la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît par la femme. Donc on a besoin, la femme, il y a besoin que la femme soit présente pour que l'homme puisse venir à la naissance. Tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie sans être voilée? Regardons la question que Paul parle. Si vraiment la chevelure était le voile de la femme, est-ce que Paul peut poser une question comme ça? Jugez-en vous-même. Est-ce qu'il est convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Jugez-en vous-même. Ça veut dire que après toute cette profondeur de l'enseignement sur l'ordre de la création, sur la présence des anges dans le culte, est-ce que après avoir entendu tout cela, est-ce que vous-même vous pouvez juger que après tout ce qu'on a expliqué là, est-ce qu'il est convenable que la femme prie sans se couvrir la tête? Verset 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux, de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. C'est une gloire, c'est un ornement, c'est une parure, c'est pour la beauté physique de la femme. Mais la chevelure n'a un rôle que physique, dans le monde physique. La chevelure n'a aucun rôle dans le monde spirituel de Dieu. La chevelure reste présente dans le culte terrestre. Si nous rendons notre culte de façon terrestre, oui, là, la chevelure a sa place. Mais si nous disons que nous rendons un culte spirituel à Dieu, alors à ce moment-là, la chevelure n'a aucun rôle. Mais, verset 15, c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que ça fait d'elle la beauté de la création de l'Éternel. Mais lorsqu'on vient dans le culte qu'on veut rendre à Dieu, on ne vient pas monter sa beauté au Seigneur, sa beauté physique. Nous venons avec nos cœurs. C'est cela que nous venons présenter au Seigneur. Mais c'est une gloire pour la femme d'emporter. En effet, la chevelure lui a été donnée en guise d'ornement. Dans d'autres versions, c'est de voile, mais moi je vais lire avec le vrai mot qui est là, en guise d'ornement. Maintenant, c'est qui est tellement frappant dans ce texte-ci? C'est la manière dont Paul expose les choses. Imaginons donc qu'à ce moment-là, la nature même avait réglé la question, que la chevelure serait effectivement le voile de la femme. Regardez encore la question que Paul pose. Si quelqu'un se plaît à contester, on dirait que Paul prophétise ici que ce qu'il vient d'enseigner là, ça va être contesté. Et voilà pourquoi il donne ce commandement-là. Il conclut comme ça. Il dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette coutume, ni dans les églises de Dieu. Et ça aussi, c'est une exhortation que l'apôtre Paul donne à nous qui enseignons la parole de Dieu. Et toi, Amancio, qui va enseigner la parole de Dieu à Nice là-bas. Nous ne nous plaisons pas à contester. Donc, tu donnes la parole telle qu'on vient de l'expliquer là. Si une sœur commence à te dire, oh non, moi mes cheveux, laisse tomber. Tu ne contestes pas ça, tu ne discutes pas. Tu as donné la parole de Dieu et ta responsabilité est dégagée. Si la sœur dit qu'elle va continuer à venir prier sans se voiler, tu es déjà passé là-dessus. On ne conteste pas. La parole de Dieu a dit, c'est écrit, point à la ligne. Si on dit maintenant, nous sommes dans l'église du 20e siècle, la femme est égale à l'homme, on ne se voile, on ne discute pas là-dessus. Tu enseignes, tu t'arranges simplement à donner l'enseignement de la parole de Dieu tel que c'est là. Voilà. Une fois que tu as donné, c'est terminé. Si maintenant la sœur veut poser des questions, oui, là il n'y a pas de problème, elle pose des questions ainsi de suite. Mais si elle vient pour contester l'enseignement, c'est-à-dire essayer de donner un enseignement, et essayer de dire quelque chose qui ne va pas dans le sens du texte, tu lui dis, ok ma sœur, je respecte ce que tu dis, mais je ne discute pas là-dessus. On n'entre pas dans la contestation avec toi. Si tu es d'un quelconque autre avis, comme la parole de Dieu dit, Dieu nous éclairera. Reste avec ta conviction. Mais moi, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est ce que la parole de Dieu enseigne ici. Marie, s'il te plaît, si tu as trouvé le verset dont on parlait, on va le lire. Tu pourras le noter aussi. Donc, comme le frère vient de le dire, donc Genèse, chapitre 24, versets 62 à 65. Genèse, chapitre 24. Et justement, pendant que nous cherchons le verset de Genèse, retenons bien que l'Ancien Testament nous était l'ombre des choses à venir. Et souvent dans l'Ancien Testament, nous voyons déjà les prémices, comme on a pu voir dans Genèse 2 là. Quand le Seigneur dit l'homme est le chef de la femme, nous avons vu d'où ça vient. Depuis quand l'homme, Dieu a créé la femme en second, il a amené la femme, on a vu que tout cela était déjà présent dès le début dans l'ancienne alliance. Donc, de la même façon, même pas dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament plutôt. Donc, on voit que déjà dans l'Ancien Testament, il y a des prémices de tout ce que nous voyons en accomplissement dans le Nouveau. Donc, c'est Genèse. Genèse 24, 62 à 65. Je vais laisser Marianne lire. Alors, allons ensemble. Genèse chapitre 24, versets 62 à 65. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lachaï, roi, et ils habitaient dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici les chameaux arriver. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. Amen. Donc, voilà pour cet enseignement sur l'ordre dans le culte. Et donc, je pense que comme vous démarrez là-bas à Nice, vous serez confronté à tous ces différents problèmes liés en fait aux doctrines que nous avons reçues à gauche, à droite. Vous serez amené à devoir régler ces problèmes-là selon la parole de Dieu. Peut-être, Marianne, tu as peut-être quelque chose à compléter par rapport à ce qui a été dit. Je ne sais pas si tu as un complément à apporter pour davantage affermir les frères, ou bien c'est bon, tout a été dit. Tout est dit. Je peux simplement encore rajouter encore des exemples. Hein, amen, amen, dire, amen, hein, amen, oui, tout à fait. Au niveau du voile, donc on a parlé de Rebecca et Isaac, hein, donc ainsi de même la Tamar aussi. Hein, Tamar, donc quand on lit dans Genèse chapitre 38. Hein, Genèse 38. Versets 12 à 14, c'est juste pour appuyer par des exemples, comme tu as si bien dit que la parole, il y a l'Ancien Testament en fait nous parle en fait de la nature même, de la moralité même de Jésus-Christ, hein, les actes extérieurs, donc on voit des bons exemples qu'on peut voir. Hein. Donc quand on lit le Genèse chapitre 38, versets 12 à 14, alors je veux lire. Genèse 38, c'est bon ? Oui ? Genèse 38. Verset 12 à 14. Genèse 38, verset 12 à 14. Donc, on n'a pas précisé le contexte, on va simplement lire verset 12 à 14. Alors, je lis, « Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Tima vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira. L'Adulamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve et se couvrit d'un voile et s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Amen. Voilà, donc c'est encore le geste qu'elle a fait naturellement, hein. La vie des juifs à l'époque devant l'homme de Dieu, le prophète, le Seigneur, en fait l'autorité, la femme se voile, donc c'était un acte naturel, voilà, simple, c'est comme tu as dit, hein. Il y a encore plusieurs exemples encore de la part de Dieu, on peut aussi lire dans Ésaïe, pareil, on voit que Ésaïe... donner beaucoup d'exemples, hein. Donc dans Ésaïe qui nous parle en fait du gestuel des juifs, hein, les juifs qui manifestaient en fait ces gestuels naturellement. Alors j'ai eu ce passage qui est venu là maintenant, que l'Esprit m'aide. Alors, on va prendre Ésaïe chapitre 47. Donc là, c'est Ésaïe 47. 47, voilà. Bon, c'est vraiment un. Ésaïe nous parle vraiment de la vie même. C'est un prophète en fait qui a porté, qui portait le message pour le peuple. Et on voit dans au chapitre 47, verset 1 à 3, donc on va lire ce passage. Donc, descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends les meules et moue de la farine. Ôte ton voile, relève les pans de ta robe. Découvre tes jambes, traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Amen. Là, on parle des filles des Chaldéennes, en fait. On voit que là, en fait, c'est Esaïe qui parle, hein, et il dit, fille des Chaldéens, il dit, ôte ton voile, relève les pans de ta robe. Et on voit verset 3, on dit, ta nudité sera découverte. Le fait de ôter le voile, donc c'était comme si il y avait un vis-à-vis des peuples, hein, ce manque de soumission, en fait. Hein, et là, on voit, en fait, ta nudité sera découverte. Hein, et il y a encore plein d'exemples. J'ai des passages qui viennent. Si on prend Ézéchiel encore, par exemple, le prophète Ézéchiel, par exemple. On prend Ézéchiel, hein, on est en direct avec l'Esprit de Dieu vivant. Hein. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc, alléluia. Alors, on va prendre l'exemple d'Ézéchiel. Ézéchiel, merci Seigneur. Alors, Ézéchiel chapitre 13, verset 17 à, on va lire jusqu'au verset 23. Ézéchiel 17, verset 17 à 23. 17, 17. Ézéchiel 17 jusqu'au verset 23. Ézéchiel 13. 13, pardon. 13, oui. Oui, oui, pardon. Ézéchiel 13, verset 17 à 23. Donc là, c'est le prophète Ézéchiel qui prophétise à nous, les églises, au peuple Israël, au peuple. Et il dit des paroles, il y avait des filles et des fils qui étaient là. Et Ézéchiel, il prophétise. Et il dit, voilà ce qui se passe. En fait, il dénonce le péché au niveau du peuple. Et comme nous, aujourd'hui, le frère a bien dit au frère de Nice, hein, il disait, prêche ta parole, prêche cette parole de Dieu. Parce que beaucoup vont venir, hein, et ils sont des rebelles. Donc, il faut prêcher la parole de Dieu. Et Ézéchiel, c'est un prophète qui, Dieu l'a envoyé pour apporter un message, pour vraiment avertir le peuple et dire la vérité. Et là, on voit Ézéchiel, il dit une parole très forte à cette époque-là. Et quand on lit vraiment, et quand on comprend le contexte à l'époque, et la parole est donnée par la parole de Dieu, par Ézéchiel, on va comprendre à quel point que le gestuel de la femme chrétienne, de juif même, c'est en fait, nous parle en fait du commandement du Seigneur. Amen. Et ces commandements sont, c'est parce que comme le frère l'a dit, en fait, au niveau de hiérarchie, du gouvernement de Dieu, hein, on a vu Dieu, Christ, l'homme et la femme. Et ça, en fait, c'est le gouvernement de Dieu. Et ça s'adresse à tous les hommes. Amen. Et à toutes les femmes. Amen. Hein, faut pas simplement le mettre dans les cultes. Sinon, ça va devenir de la religiosité. Et ce message s'adresse en fait à tous les hommes et à toutes les femmes. Donc, ça veut dire que en fait que quand on regarde en fait toutes les nations doivent normalement faire ces gestuels naturellement. Une femme qui elle est dans honneur en fait le Dieu de toutes les nations, le Dieu des dieux, donc automatiquement elle doit avoir ces gestuels de mettre sa couverture. Et vous savez, quand on regarde dans les années à partir de 1940 avant, toutes les femmes, hein, que ce soit en Afrique, en Asie, toutes les femmes mettaient leur voile naturellement. Naturellement, parce que la moralité, les vertus de Dieu ont été perdues. On a commencé à créer des lois impies, et donc on s'éloigne de la nature de Dieu, de la moralité de Dieu. Et ça, on a perdu, on voit le mal bien, le bien mal. Et donc on a perdu la nature, la marche de Jésus-Christ. Et bien, voilà, voilà pourquoi que c'est un message, comme le frère bien-aimé a bien dit, hein, ce sont en fait des commandements du Seigneur. Et les commandements du Seigneur sont à prendre comme un enfant. Mmh. Et ensuite, pour avoir la révélation, tant que je n'ai pas pris la base, les commandements, je ne peux pas avoir une révélation sur la parole, le commandement. Il faut d'abord que je saisisse la parole simple, le commandement. Mon papa m'a dit ça, je saisis, je le prends, un commandement. Et maintenant, comme je le prends maintenant, ma marche va manifester le témoignage de la vie et la révélation va commencer à se manifester. Mais nous, on cherche d'abord la révélation avant de recevoir le commandement du Seigneur. Voyez-vous, et c'est que le frère nous a dit, en fait, c'est le sujet sur les commandements du Seigneur. Parce qu'il y a des rebelles, des gens qui ne peuvent pas comprendre cela. Mais gloire au Seigneur pour des tels frères qui enseignent cela parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas recevoir, c'est difficile. Et l'enseignement est là justement pour affirmer nous les saints, nous les frères, de recevoir ces paroles. Mais nous, autant des saints, nous, ce message-là, le commandement, on doit le prendre dans la simplicité. Et maintenant, il y a des enseignants pour pouvoir le partager, pour que les gens reçoivent par l'Esprit de Dieu. Et là, donc, je reviens dans Ézéchiel qui parle et qui dit à ce peuple, verset 17, « Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple, sur les sœurs, sur les femmes de ton peuple, qui prophétisent selon leur propre cœur et prophétisent contre elles. » Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles, il parle des sœurs, hein, aux femmes, à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Verset 20. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets. Il parle des filles, hein, des sœurs. Par lequel vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent. Et je les arracherai de vos bras et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles. Amen. Et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel, parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé, et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Vous n'aurez plus de vaines visions et vous ne prononcerez plus d'oracles. Je délivrerai de vos mains mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Waouh. Amen. C'est, vous savez, quand on revient au contexte même, Ézéchiel, il parle des sœurs qui, hypocrisie, comme le frère disait, je mets un voile parce qu'on me l'a dit, donc maintenant je vais montrer que je suis soumise et tout ça. Des sœurs qui commençaient à prophétiser et les frères étaient séduits par cela. Mais Dieu, comme il connaît tout, il connaît les cœurs, Dieu a dit, vous trompez mon peuple. Je vais enlever vos voiles pour ne pas dérouter les frères qui sont là. Vous voyez à quel point que déjà le voile était naturel. Toutes les femmes, ce message s'adresse à toutes les femmes. Dieu qui s'adresse à l'homme. Et nous, on a reçu le salut justement pour être sauvés, pour que tous les hommes soient sauvés. Où est l'Église, celle qui a reçu Jésus-Christ dans le cœur? On est là maintenant pour briller cette lumière, pour que les gens de l'extérieur reçoivent la piété, la nature divine de Dieu, que les femmes reconnaissent cette nature divine dans la simplicité. Parce qu'il y a des lois impies, on a perdu la moralité de Dieu. On a perdu cette moralité, ces gestuels naturels. Oh, il y a 60 ans de cela, regardez les images, quand il y avait encore la caméra, on voit la piété, la moralité de Dieu à travers les femmes, dans les hommes. Mais aujourd'hui, on voit dans les publicités, dans les médias, dans les images, on voit déjà des femmes nues, des hommes nus. Et on est habitué à voir ces choses. Et maintenant, on a perdu la moralité même de Dieu, les vertus de Dieu. Et pour nous, quand on voit maintenant une sœur ou un frère dans son gestuel, dans l'habillement, on pourrait dire, c'est normal parce que, voilà, l'impie accepte ces choses. Et on se pose, me dit maintenant, où est partie cette justice, où est parti cet amour? Voilà pourquoi là, comme le frère instruit, moi j'ai reçu cette parole parce que nous-mêmes, on peut tomber dans une pièce, même si on a reçu, c'était un commandement, mais on peut tomber dans la séduction, les choses extérieures, et partager, de enseigner sur ça, sur les commandements de Dieu, ça nous rend libres, parce que ce sont les véritables enfants qui suivent le maître, qui suivent les commandements du Seigneur. Et donc là, on voit à quel point que le peuple juif, Israël, les femmes mettaient leur voix naturelle. Mais est-ce qu'il fallait qu'on enseigne à l'époque? Non, parce que c'était naturel. Mais aujourd'hui, je rends gloire aux enseignants qui sont là pour, avec richesse de la parole de Dieu, parce que Dieu nous enseigne du début à la fin. Il nous enseigne de l'extérieur de Jésus lui-même, son attitude, et de l'intérieur dans le Nouveau Testament. Que c'est merveilleux. Et on a besoin des enseignants pour pouvoir nous remettre à l'ordre. Et comme disait le bien-aimé Frère Patrick, il disait à l'exemple de Paul, il disait à Paul, tu as reçu un esprit de force et pas de timidité. Presse, parce qu'on va te persécuter. Paul le savait. Et c'est un message qui n'est pas facile. Ce sont les commandements et la nature de Dieu lui-même. Et cela s'adresse à tous les hommes, à toutes les femmes. Et quand on reprend encore le 1 Corinthiens chapitre 11 que le frère a dit, je veux juste rajouter, le frère a dit, je pense que le frère nous a tout dit. Et je vais simplement appuyer sur un verset qui est important, parce qu'on va se dire que sur le voile, mais c'est pas un péché que je puisse voile, que je n'aime pas le voile. Où est le péché? Dieu a dit que c'est pas un péché. Mais là, on parle du commandement du Seigneur. Cela s'adresse à nous. Si c'est un commandement du Seigneur, c'est encore plus dangereux. On va lire. Enfin, dangereux si on désobéit, justement. Et quand on lit au niveau donc de verset 5, enfin, on dit, c'est le sujet auquel le frère a bien développé, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5, « Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. » Moi, je m'arrête qu'à ce verset-là. La femme qui ne se voile pas, déshonore son chef. Est-ce qu'elle pêche? On va maintenant comprendre c'est quoi quelqu'un qui déshonore son père. Rappelez-vous, le premier commandement des 10 commandements. Premier commandement, honore ton père et ta mère. C'est terrible ça. Quand on lit Éphésiens, chapitre 6, verset 1. Et ça nous ramène au premier commandement. Éphésiens, chapitre 6, verset 1. Je vais lire. Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Amen. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Sur la terre. Là, on parle de la marche de l'homme et de la femme. Ce sont les commandements. On sait que des commandements, toutes les nations sont inspirées, viennent, sont inspirées des commandements, des 10 commandements. Ça s'adresse aux hommes et aux femmes, afin que tes jours se prolongent. Parce que je marche comme Jésus marche. Je suis Jésus. La nature divine, sa piété. Exerçons-nous à la piété. Et là, on voit donc la femme et l'homme, bien sûr. L'homme qui, comme bien dit le frère, qui met une casquette, ou la femme qui ne se voile pas en tant que soumise à Jésus, à son homme. Et là, on voit que là, on déshonore le père. Qui dit déshonore, on sort même de la base. De la base de l'obéissance. Et on peut beau avoir des miracles, faire des choses, tout ce qu'on veut. Si, comme l'a bien dit le frère, si je reçus la parole, parce que il y a ceux qui sont ignorants, ça faut le comprendre, ceux qui sont ignorants des commandements, mais quand ils reçoivent la parole, maintenant, ils ont reçu la parole, et maintenant, là, maintenant, à partir de ce jour-là, maintenant, ils ont plus à se justifier. Ils savent maintenant que là, c'est un commandement, avec les richesses de l'enseignement. Et c'est ça, maintenant, si la personne continue encore, là, elle sort justement de l'obéissance, elle déshonore le Père. Et donc, elle sort même du premier commandement, même de la base, même du chrétien. Et si je déshonore, je m'éloigne de Dieu. Je m'éloigne de Dieu, je deviens jézabélique, je deviens tout ce que je veux, je peux faire des miracles, des puissances, mais je m'éloigne de Dieu. Je veux croire que je suis avec le Seigneur, même si je ne me voile pas, même si je mets des démons en tant qu'homme, voilà, je mets une casquette, même si je mets ce que je veux, je suis dans la rébellion sans m'en rendre compte. Et je crois ça vers Dieu. Je peux beau avoir des 10 000 fous, plein de gens, tout ce que je veux, mais je suis loin de Dieu. Parce que je déshonore le Seigneur. C'est terrible ça. À quel point ce que le frère nous a enseigné par rapport à 1 Corinthiens chapitre 11 nous parle en fait du gouvernement de Dieu. Amen. Et au Amen. Niveau du voile, en fait, s'adresse à tous les hommes, toutes les femmes. Toutes les femmes. Donc voilà, c'est juste simplement ça que j'aimerais simplement rajouter. Et là, vraiment, ça, moi-même, ça me demande à chaque fois de m'examiner dans ma marche tous les jours pour pouvoir vivre et faire l'œuvre de Dieu, pour ne pas partir avant même. Amen. Vivre et faire l'œuvre de Dieu, honorer notre Père. Donc on est dans un monde opposé et il y a des images. La bête est en train de faire de son empreinte déjà dans les médias, dans la télévision, pour déjà nous ramener à l'image qu'elle veut de nous, la Babylone, et nous éloigner de l'image de Christ le Père, pour sortir de l'honneur au Père et aller honorer justement la bête. Et il y a plein de choses. À peine tout à l'heure, je suis venu ici, dans les stations de bus, on voit des photos des femmes nues pour vendre des choses, voilà, des choses, des textiles. Et il faut montrer la femme nue pour que les gens regardent. On est séduit par ces choses. Et on a perdu la piété, la moralité. Voilà pourquoi on a besoin aujourd'hui de s'enrichir et vraiment de rappeler cette grâce qu'on a reçue, le salut Jésus, hein, qui est venu pour sauver tous les hommes, que ce soit les gens qui sont au gouvernement, qui sont dans l'obéissance au Seigneur, les magistrats, les ministres, toutes ces personnes ont besoin justement d'être éclairées par cette lumière. Et cette lumière, c'est nous qui avons reçu cette grâce du Seigneur et de libérer cela à tous les hommes et à toutes les femmes. Amen. Donc, entre nous, efforçons-nous de marcher dans cette piété, femmes et hommes. Comme Paul dit dans Éphésiens, que l'homme a aimé sa femme comme Christ a aimé l'Église. Amen. Waouh. Amen. Comme Christ a aimé l'Église. Donc, l'épouse de Jésus-Christ, elle ne peut que se soumettre à l'homme, à l'époux. Pourquoi? Parce que l'époux lui a donné toutes ses richesses, l'amour. On ne peut que se soumettre, en fait, à l'époux. Et donc, cette soumission, c'est de là que vient le gestuel. Naturellement, se soumettre à l'autorité, à Jésus, à Dieu, à l'époux. Et quand on regarde le gouvernement, Jésus-Christ, il y a Dieu, Jésus-Christ, l'homme, la femme. La femme, soumission à l'homme, l'homme, à Jésus-Christ, Jésus-Christ, à Dieu. Que c'est merveilleux. Amen. Et je rends gloire au Seigneur de tout ce qu'on a reçu et de moi-même chaque jour, c'est ce processus de me ramener toujours par la parole, par les enseignements, de me ramener à la parole, à Jésus-Christ, au Père, de telle manière de garder toujours la foi et de me préparer pour le retour de l'époux. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Alors, je vais compléter. Je vais compléter avec d'autres versets. Hein. J'étais en train de chercher encore d'autres versets par rapport à ça. Si on prend Cantique des Cantiques. Alléluia. Cantique des Cantiques, nous savons que là, c'est... c'est vraiment un message extraordinaire, hein, hein, que Salomon a donné et qui montre les vertus encore. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Dans le Cantique des Cantiques, ça vient après Ecclésiaste. Donc, il y a Psaume. Après les Psaumes, vous avez Proverbe, il y a Ecclésiaste, et après il y a Cantique des Cantiques. Comme c'est un petit livre, on peut ne pas le trouver facilement. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 1. Vous avez trouvé, c'est bon? C'est bon, Anis? Cantique des Cantiques, vous regardez les psaumes, on n'entend pas. Les psaumes, après psaumes, il y a Proverbe. Voilà, après Proverbe, il y a Ecclésiaste. Après Ecclésiaste, il y a Cantique des Cantiques. C'est bon. C'est bon? Ok, donc Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 1. Que tu es belle, mon ami. Pour nous, ici, là, on peut voir ça comme l'épouse de Christ. Amen. C'est ça l'image ici là pour nous. Amen. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière quoi ? Ton voile. Le voile fait partie de la beauté de la femme devant le Seigneur, la beauté de l'épouse même, ici là, devant le Seigneur. Derrière ton voile, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. C'est derrière le voile que les cheveux doivent se trouver pour être une gloire devant le Seigneur, pendant que nous sommes en train de rendre notre culte au Seigneur. Amen. C'est derrière le voile, ici là. On parle de l'épouse ici, là, ça c'est le modèle même. Suspendu au flanc de la montagne de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues. Les brebis tondues sont des brebis belles. Belles. Ici on parle de la beauté, la bienséance devant le Seigneur. Alors, tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remonte à l'abreuvoir. Porte des jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile. On voit que dans cette beauté-là, elles enfantent, elles portent des jumeaux. Donc en fait, ici, là, ça c'est l'épouse soumise à la parole de Dieu qui, en fait, grandit spirituellement. Alléluia. Porte du fruit. Amen. Alléluia. Porte du fruit. Alléluia. Dans le ventre, ce ne sont pas un seul enfant qui arrive, mais ce sont des jumeaux. Alléluia. C'est l'image du fruit que porte l'épouse soumise à Christ. Alléluia. Et la femme qui garde sa chevelure derrière le voile porte du fruit pour Alléluia. Christ. Alléluia. Porte du fruit pour Christ parce qu'elle est soumise à la parole de Christ. Amen. Amen. Amen. C'est ça que nous voyons ici. Alors, continuons. Aucune d'elles n'est stérile. Donc, c'est un arbre qui porte du fruit. La femme qui se voile la tête. On ne parle pas, le frère Marien a bien souligné cela, on ne parle pas parce que derrière le voile, il y a tout un enseignement spirituel. C'est pas juste une gestuelle physique. Parce que le voile traduit une réalité qui existe. C'est la réalité de la soumission. Et la soumission, ça veut dire quoi ? Dieu a donné cette parole-là, donc je suis d'accord avec Dieu sur cette parole-là qu'il a donnée, et je me soumets effectivement aux frères dans la vie quotidienne de chaque jour, et parce que je suis soumis aux frères, et en particulier à mon mari, Amen. Maintenant je vais extérioriser cette soumission qui est déjà vraie dans mon cœur, je vais l'extérioriser au travers du voile que je vais porter maintenant. Amen. Parce que le voile ne fait que traduire une réalité qui est déjà vraie dans notre cœur. Là, ça a un sens. Et c'est véritablement une beauté devant le Seigneur d'agir de cette façon-là. Prenons le verset 3 maintenant. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Il y a la beauté, c'est le langage même de l'amour. Le langage même de l'amour. Parce que nous sommes dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade. La grenade, c'est un beau fruit. C'est quelque chose d'agréable, en fait. Comme une grenade. Ou derrière le voile, dont le voile participe à cette beauté-là. Amen. C'est ce qui est écrit là, verset 3. Tes lèvres sont comme du fil cramoisi et ta bouche charmante. Ta joue comme la moitié d'une grenade. Tout cela n'est beau devant le Seigneur que si c'est derrière le voile. Amen. Amen. Amen. Amen. Derrière le voile, Amen. C'est là qu'il y a la beauté. Amen. En dehors du voile, il n'y a pas la beauté devant le Seigneur. Il n'y a que la rébellion. Amen. Derrière le voile. Alors, ton cou est comme la tour de David bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers, ils sont suspendus. Tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme des féons, comme les jumeaux d'une gazelle qui passe au milieu des lits. Alors, bon, je pense que de ces versets-là, on a lu l'essentiel. Prenons maintenant Cantique chapitre 5, verset 7. Nous sommes toujours dans Cantique des Cantiques. chapitre 5, verset 7. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé. Ils m'ont blessé. Et ils m'ont enlevé mon voile. Donc, comme le frère disait tout à l'heure, c'était naturel. Elle avait son voile et on lui a enlevé ce voile-là. On l'a rencontré comme ça dans la rue. Et on lui a ôté son voile, qui fait partie de la beauté qu'elle a devant le Seigneur. On lui a enlevé sa peau. C'est un sacrilège qu'on lui ôte son voile. Ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui diriez-vous que je suis malade d'amour? Vous voyez, c'est tout le langage même de l'amour de Dieu. Alléluia. Qui se trouve derrière tout cela. Parce que, en fait, hein, je pense que dans l'enseignement du voile, il faut éviter les commandements. Il faut éviter de taper ça sur la tête des sœurs comme étant avec le bâton. Mais il faut entrer dans la révélation même de la parole de Dieu. Et je pense que les sœurs qui ont reçu le Seigneur véritablement dans leur cœur, qui ont cet amour-là pour le Seigneur, quand elles vont comprendre la réalité spirituelle qu'il y a derrière, elles vont courir pour se voiler. Alléluia. Elles vont courir pour le faire. Amen. C'est Amen. Parce que quand on n'a pas la révélation, quand ce n'est pas une révélation pour nous, on va l'expliquer, ça sera lourd à mettre en application. Parce qu'on va se dire, ah, je me voile, ce n'est plus de notre temps, ça sera lourd. Mais quand on voit toute la réalité spirituelle qu'il y a derrière, quand on voit comment... Pour le Seigneur, c'est tellement beau quand la femme se voile devant lui. C'est tellement l'ordre et la bienséance. Les sœurs ne peuvent que faire plaisir au Seigneur. Que le Seigneur soit content au lieu de le déshonorer. Mais que le Seigneur soit content. Que le Seigneur dise, voilà mes filles. Amen. Voilà mes filles qui veulent tellement me faire plaisir. Amen. Elles veulent tellement me faire plaisir. On ne perd rien à faire plaisir au Seigneur. Bien au contraire. Bien au contraire. Donc, je pense que, je ne sais même pas, je pense, il faut justement pouvoir communiquer cet enseignement-là avec toute la révélation, toute la richesse, en fait. Amen. Toute la richesse qu'il y a derrière. Parce que ce n'est pas un bâton qu'il faut prendre et commencer à taper. Non, il y a toute une richesse derrière qu'on doit pouvoir communiquer d'abord pour que ça ne soit pas pris comme un commandement. Comme un joug, voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. Ça doit être pris comme un commandement, mais ça ne doit pas être pris comme un fardeau, comme un joug. Verset 9. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Oh, la plus belle des femmes. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Pour que tu nous en conjures ainsi. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires, comme le corbeau. Ses yeux sont comme la colombe, et ainsi de suite. Donc on voit, le voile, ça se situe ici, dans un contexte d'amour. En fait, quand on le fait au Seigneur, c'est par amour pour le Seigneur. C'est pas pour paraître devant les gens, non. C'est par amour pour le Seigneur. C'est pour ça que ça doit venir, comme Marien l'a aussi bien expliqué, ça doit venir d'un élan d'amour pour le Seigneur. Si ça vient d'un élan d'amour pour le Seigneur, ça ne pourra jamais, jamais, jamais être pris comme un joug. Si on prend chapitre 6, puisque nous sommes toujours dans le Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 1, chapitre 6, verset 1, on peut en prendre à partir du verset 4. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. C'est la reprise de tout à l'heure. Suspendu au flanc de Galaad, tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remonte de l'abreuvoir. 6, verset 4. Tout portes des jumeaux, aucune n'est stérile. Ta joue est comme la grenade, comme la moitié d'une grenade derrière ton voile. Ainsi de suite. Attendez, est-ce que je ne me suis pas trompé? Je me suis trompé, en effet. Merci beaucoup. Alors, chapitre 6, verset 6. Qu'est-ce que c'est dit? Ça dit chez moi. Tu le dis, verset 4 tout à l'heure, 5. Oui, j'ai le 4, 5. Ah oui, c'est une reprise, hein. Verset 7. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. C'est la même chose, en fait. C'est la même chose. Donc, il répète exactement ce qu'il a dit dans le chapitre, le chapitre 4, verset 1, 2 et puis jusqu'à 3. Donc, on comprend que ça doit se prendre vraiment dans le sens de vouloir vraiment honorer le Seigneur. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Honorer le Seigneur, lui prouver notre amour, oui, véritablement. Oui. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Après, si Charles veut rajouter, David, tout ça, pour compléter, pour édifier les frères, ou bien si vous avez des questions, on peut encore s'étendre là-dessus, parce que c'est des sujets qui dérangent pour rien, en fait. Quoi. Moi, j'aimerais revenir sur le 1 Corinthiens 11, 10. On le relit proposément. Il est dit... Bon, vous suivez Charles? Oui, mais on n'entend pas de notre prénom. Charles, tu, est-ce que tu pourras parler un peu plus... D'accord, un peu plus fort, peut-être. Oui. S'il vous plaît. Oh ben, oh, tu te mets là. C'est là. Voilà. Ça, c'est mieux. Voilà. 1 Corinthiens. On va prendre 1 Corinthiens 11 à partir du verset 9. Il y a quelque chose sur lequel on a un peu passé. Alors, tout le monde vient. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Ok? C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Il y a quelque chose qui s'est passé à Genèse 6 par rapport à cela. Amen. Il y a un grand incident qui s'était passé. Merci Seigneur pour l'enrichissement. Donc Genèse 6. À partir du verset 1. Alors on lit. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, entendu les anges, vit que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, et c'est là qu'on a perdu l'esprit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Amen. Donc, certains anges, de par ce manque d'autorité-là, parce qu'il n'y avait rien pour qu'ils désignaient, effectivement, peut-être à cette époque, quand on lit, cette autorité véritable de la femme, de l'homme sur la femme, en fait. Et il y a eu des rapports entre les anges et les femmes. La bague que porte Alain Patrick aujourd'hui montre l'autorité qu'il a sur sa femme, sur le corps de sa femme. Et la bague que tu portes, toi, montre l'autorité que tu as sur le corps d'Alain Patrick. Donc, cette marque-là montre effectivement, quand on repart dans 1 Corinthiens 11, que la femme est faite pour l'homme, et l'homme seul. Quand les anges viennent, ils savent que désormais, la femme... Amen, amen, amen, amen. Je n'avais pas compris la révélation. Amen. Vous avez compris ce que le frère explique? C'est très profond, hein, ce qu'il dit. Et vous entendez mal. Oui, parce qu'il parle d'eau aux caméras. Ah, d'accord. Ok. Moi, j'ai compris. C'est waouh. Wow, ça, c'est lumineux. C'est, hein. On reprend dans Genèse 6, il y a des anges qui sont sortis avec des femmes. Et ce qui a envoyé les géants comme conséquence dans le passé. Mm-hmm. Et le Seigneur a retiré à partir de là l'esprit qu'il avait mis dans l'homme. Et nos jours ont été comptés à partir de ce jour-là. Et en fait, oui. Cette marque que la femme porte, qu'elle voile, permet que lorsqu'un ange arrive, de savoir systématiquement que cette femme appartient aux hommes. En Amen. Fait. Vous avez compris? Il peut se permettre de sortir ou de poser quelque acte que ce soit face à cette femme, de par l'autorité qu'il voit dont elle dépend. Amen. Amen. S'il doit faire quoi que ce soit, il demandera à son mari. Amen. Amen. Amen. Si jamais il doit dévier, les anges aussi ont des faiblesses. Amen. Il y a beaucoup qui se sont rebellés, on le sait déjà. Gloire à Dieu. Donc, c'est une marque qui permet de savoir que tu dis à l'ange systématiquement que la femme appartient à l'homme. Amen. Amen. Amen. Je vais reprendre parce que c'est tellement lumineux la révélation que le frère vient d'avoir. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Je vais okay, là maintenant vous me comprenez? Vous me comprenez parce que moi j'ai la voix qui porte hein, plus. J'ai la voix qui porte plus que le frère. Je vais juste reprendre tout doucement ce que le frère vient d'expliquer. 1 Corinthiens 11 verset 9. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi donc, la femme a été créée à cause de l'homme, pour être la compagne de l'homme. C'est pour ça que la femme a été créée ici. Donc, verset 10, c'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Elle dépend de quelle autorité? De l'homme. Amen. Amen. Elle doit porter le voile pour montrer, pour être la marque de l'autorité, donc pour rappeler l'autorité dont elle dépend. Et cette autorité-là, c'est l'homme. Et la femme le fait pourquoi? À cause des anges. Et le frère, moi j'avais compris par Esaïe là-bas, et le Saint-Esprit a mis dans la bouche du frère une autre explication qui vient encore renforcer. Parce qu'il y a eu un incident aussi dans le passé, là dans Genèse, par rapport aux anges. Et le frère a expliqué ça, enfin le Saint-Esprit a expliqué dans la bouche du frère, à partir du verset 6, Genèse 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face du sol et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, quand on parle des fils de Dieu ici, il s'agit des anges en fait, les anges qui sont dans la présence de Dieu, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leur femme. Donc, les anges sont descendus pour avoir des relations sexuelles avec des filles, des hommes, avec les femmes qui étaient là sur la terre. Verset 3, alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Donc, le Seigneur a retiré son esprit à ce moment-là. Parce que les anges sont descendus avoir des relations avec les filles des hommes. Mais maintenant, ici, dans 1 Corinthiens 11, au verset 9, la femme a été créée à cause de l'homme. Donc, la femme est faite pour être la compagne de l'homme et non la compagne des anges. Donc voilà pourquoi encore ici au verset 10, il dit « À cause des anges, la femme doit se voiler. » Donc, quand l'ange arrive, il voit le voile, cela traduit l'autorité dont la femme dépend, qui est l'homme. Donc, il comprend que je ne dois pas toucher à cette femme-là parce qu'elle appartient à un homme. Elle est destinée à l'homme. Et ça, l'ange, quand il le comprend, il ne touche pas aux femmes. C'est encore pour éviter que un des drames qui s'est produit dans le livre de la Genèse se produise à nouveau. Donc, Dieu avait une ancienne création qui a commencé avec Adam. Et il y a eu un ensemble d'incidents qui se sont produits. Le frère vient de relever, le Saint-Esprit vient de relever dans la bouche du frère Charles que justement, il y a encore un autre incident qui s'est passé avec l'ancienne création ici. Et le Seigneur maintenant, dans la nouvelle création qu'est l'Église, le Seigneur ne veut pas que ça se reproduise. Donc voilà pourquoi il regarde tout ce qui s'est produit déjà dans l'ancienne création et il a corrigé ça. Et au travers du voile, il y a beaucoup, beaucoup de corrections qui sont apportées par rapport à certains événements malheureux qui se sont produits justement avec l'ancienne création. Et puis ça a donné, d'ailleurs, le frère l'a relevé, les géants qui existaient. Et je pense que comment on l'appelle, Goliath justement faisait partie de ces géants là c'était vraiment c'était quasiment des démons, on va dire ça comme ça, parce que ils étaient issus d'une relation que Dieu ne permettait pas, des hommes avec des anges. C'était une abomination aux yeux de Dieu, mais les anges ont commis cela, parce que comme le frère disait, les anges avaient aussi certaines faiblesses qui font qu'ils sont venus vers les filles des hommes. Gloire au Seigneur, hein, pour cette révélation lumineuse là encore qui nous éclaire, parce que on pense que c'est un jeu comme ça, c'est juste poser un tissu sur la tête, mais il y a une profondeur spirituelle tellement importante justement dans le port du voile qu'on doit vraiment creuser en profondeur, prier le Seigneur pour qu'il nous révèle véritablement pourquoi il demande de le faire. On ne peut pas avoir dans la parole de Dieu pratiquement la moitié d'un chapitre qui ne sert à rien. Parce que l'apôtre, je crois c'est Jean, qui a dit dans son livre que Jésus a encore fait énormément de miracles sur la terre, que si on écrivait tout ce que le Seigneur Jésus a fait, la terre entière ne serait pas suffisante pour contenir les livres. Donc ça veut dire quoi? Si on a consigné dans la parole de Dieu ce dont nous avons besoin, le Saint-Esprit a fait la sélection au milieu de tout ce qui aurait pu être écrit et le Saint-Esprit n'a retenu que ce qui est utile, important. Donc on a dû laisser de côté beaucoup de choses. Le Saint-Esprit a dû laisser de côté beaucoup de choses. Et si le Saint-Esprit, au milieu de beaucoup de choses là, a considéré que la portion de 1 Corinthiens 11 si devait faire partie de la Bible, au milieu de tout cela, ça veut dire que c'est important. Ça, c'est pas pour rien. Si la nature avait réglé le problème, il n'aurait pas pris la moitié d'un chapitre pour nous dire quelque chose qui ne sert à rien du tout. Donc, la sagesse de Dieu est infiniment au-delà de notre propre sagesse. Amen. Oui, frère, je voudrais... bon, c'est vrai. Marianne, si tu peux juste avancer pour les frères. Bon, voilà. Oui, c'est vrai que le besoin, la soif est là de recevoir le message, mais il faut des gens disposés, des gens qui sont assis à la parole de Dieu. Amen. Et au temps auquel on est, il y a des événements, des situations qui font que. Et c'est pas une excuse, hein, je suis en train justement de montrer qui nous empêche de pouvoir être assis et recevoir l'enseignement et de grandir avec ce qu'on reçoit. On peut rester des heures, des journées, des nuits. Moi, je suis resté toute une nuit aujourd'hui, qui est en train de partager la parole de Dieu toute une nuit. Amen. Et des gens disposés qui étaient là. Et Paul prêchait, enseignait des nuits et des nuits. Tous les jours, les disciples, là, c'est pareil, les disciples, des gens qui étaient affairés, qui voulaient recevoir le message. Et donc, le frère, par rapport à l'instruction qu'on a reçue du bien-aimé Patrick, du frère Richard qui est venu, qui a appuyé, et moi de même, par la grâce de Dieu, hein, on peut encore continuer. Et ça, c'est un message, c'est ce qui est le centre même du commandement du Seigneur. Je vais revenir sur le verset que le frère vient de lire, et sur Cantique des Cantiques, parce que pendant qu'on partageait Cantique des Cantiques, pendant que le frère parlait, plein de choses venaient, mais Amen. Il faut être assis. Amen. Il faut être assis. Là, ça demande encore revenir dans la profondeur tout doucement, et le temps passe. Est-ce que les gens sont disposés à recevoir? On ne sait pas, peut-être l'autre a des préoccupations, on ne sait pas, mais la soif est là. Mais pour donner le repas, il faut être assis au pied de Jésus-Christ. Amen. Et c'est ça qu'on a besoin, des gens disposés. Paul, il séparait les gens qui n'étaient pas disposés. Il prenait les disciples et il enseignait les disciples. Des gens disposés, Jésus pareil. Il parlait en parabole et il séparait les disciples, il expliquait les paraboles. Des gens disposés. Et là, aujourd'hui, en fait, moi, par rapport à ça, je vais rapidement, laisse-moi 10 minutes juste pour pouvoir un peu tranquillement, à travers les deux, le passage du frère, et sur quantité des quantités que le frère a donné. J'aimerais simplement dire, parce que ces sujets-là, par rapport à mon expérience déjà, m'a fait vivre des expériences que je suis d'une famille où je suis le seul garçon et j'ai que des sœurs. Que des sœurs. Donc, j'étais attaché à ma mère. Et par rapport à mon parcours, j'ai pu subir certaines mesures. Dieu a permis cela pour l'école. Hein? Donc, Dieu a pu, ensemble, être libéré de Jézabélique, hein? De toutes ces choses qui nous séduisent. Hein? L'esprit d'Akab, le fait de ne pas partager la parole comme le frère le fait avec autorité pour dire la vérité. Hein? Donc, j'étais pris par cet esprit-là et tout. Et j'ai grandi avec des sœurs. Donc, ma manière de faire, de me comporter souvent, je comprenais beaucoup les sœurs. La manière dont les sœurs agissaient quand elles travaillent, j'ai vu. Que des sœurs, ma mère travaillait, donc j'étais vraiment attaché par rapport à ça. Et donc, dans le monde de la femme, dans le monde de la sœur, il y a quelque chose de merveilleux que Dieu veut nous enseigner. Et aujourd'hui, les hommes qui ont reçu cette parole, d'abord la parole, ensuite la révélation, doivent enseigner pour que les sœurs se soumettent. Mais les sœurs, quand elles vont recevoir les richesses de Jésus-Christ, de l'homme, de la parole, elles vont que se soumettre à la parole de Dieu. Et ça, il faut qu'on l'enseigne. Donc, je veux juste introduire, mais ce que je veux dire, je veux juste prendre le verset du frère. Ce sujet, j'ai eu un débat. J'ai su ramener, on est passé même au niveau des fils de l'homme par rapport à ça. Mais maintenant, par rapport à ce que le frère a parlé, il y a une chose que je veux simplement rajouter pour d'autres sœurs. Hein, donc là, le frère, il par rapport au frère, on a reçu par l'esprit, le frère a commencé par le verset 9. Et donc, 1 Corinthiens 11, 9. Au lieu d'être 11, verset 8, je vais commencer. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. Si, je vais aller vite, hein, je vais essayer simplement si vous pouvez noter. Notez, si vous ne comprenez pas, les frères sont là, ils vont vous rajouter ça. Moi, je suis là pour dire, pour, moi, j'ai, enfin, dans le corps, il y a des richesses. Il y a des richesses. Hein. Donc, je reçois, je donne. J'avertis, je donne. Maintenant, après, on avertit, après, il y a l'instruction qui vient. Les frères sont là pour instruire. Amen. Donc, si vous ne comprenez pas, notez simplement, et puis, les frères sont là pour l'enseignant, ils vont vous enseigner ces choses. Moi, je donne. Voilà. Amen. Ça, c'est des richesses du corps. Hein. Amen. Voilà. Donc, verset 11, chapitre 11, verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Je m'arrête là. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Le frère nous a parlé par l'Esprit de Dieu au niveau des anges, à cause des anges. Maintenant, on a vu au Genèse les fils de Dieu qui étaient les anges. Et l'épouse, l'église, en fait, a l'esprit, hein, c'est ce dépôt de l'esprit, la parole. Et, on lit dans Jacob qui combattait avec Dieu, et Dieu l'a ramené dans l'unité, dans la face, enfin le voir. En fait, ça nous montre en fait l'image de Christ. Mais Jacob a combattu. Et ce combat, en fait, on a vu que la révélation que Jacob a eue, il a vu une échelle des anges monter, remonter, repartir. Je veux dire pourquoi je parle de ça. Parce que Jacob était près du rocher. Et ce rocher, c'est Jésus, la parole. Les anges descendaient monter. Éphésiens nous parle, tout simplement, je vais aller vite, hein, juste pour ne pas perdre le sujet. Vite. Donc, Éphésiens nous parle aussi, 1 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 12. Hein, je veux le lire et puis vous notez simplement ceux qui sont des ministres, ceux qui sont ici. Hein, donc, 1 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur furent révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile. par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Amen, amen, amen, amen. Les anges désirent plonger leur regard. Où ? En Jésus-Christ, toute la plénitude. Les anges sont comme des serviteurs. Et nous, on est unis à la parole de Dieu. Donc, les anges sont là pour faire une mission. On voit Hébreux nous le lit. Hein. Vous avez sûrement noté. Hébreux chapitre 1. En fait, lisez Hébreux chapitre 1, tous les versets. On nous parle du ministère des anges. Et les anges, ils sont là pour servir. Qui ? Jésus. Ils sont là pour faire une mission. Qui est Jésus ? Nous, on est unis à la parole. Unis. Donc, une fois qu'on a la parole, femme, l'épouse, entre homme et femme, les anges se plongent le regard. Plongent. Et dans Hébreux, encore plus loin là-bas, on nous parle. Hébreux chapitre 13. Chapitre 13. Hein, dans Hébreux chapitre 1, si vous pouvez le noter, juste pour lire le ministère des anges. Hébreux chapitre 13, verset 1. Je veux le lire. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Amen. Là, on voit à quel point le travail des anges. Et on voit l'hospitalité. L'hospitalité. On est là sur l'épouse, mais on parle de surtout au niveau de la femme. Et on voit que la femme et les hommes dans l'épouse ont reçu la parole. Et dans cette parole, Colossiens, faisons-nous dire plénitude, richesse, la sagesse infiniment variée de Dieu. Les anges se plongent dans la parole de Dieu. Ils sont là. On a vu Jésus au désert. Les anges l'ont fortifié. Parce que les anges ils se plongent dans la parole de Dieu vers Jésus-Christ. Hein? Et donc, on voit à quel point dans Jésus-Christ, il y a un trésor, mais une sagesse infiniment varié. Mais nous, l'épouse, si on manque de connaissance de ce trésor-là, on risquerait de nous tuer. C'est comme un épée à double tranchant. Mm. Parce qu'on manque de connaissance. Parce que la connaissance, c'est un péché. Le manque de connaissance, c'est un péché. Amen. C'est un péché. Amen. Voilà pourquoi la parole, c'est un épée à double tranchant. Et voilà pourquoi Dieu dit, il persévérait dans l'enseignement. Amen. Chaque jour. Chaque jour. Alléluia. Et mes frères, c'est vraiment... Parce que le trésor qu'on porte ici, si vous savez à quel point ce trésor-là, les mages, les gens, toute la création, les célestes, les dominations, ils sont là pour écouter la parole. Et nous, on a la parole. Et donc, cette parole-là, si on la néglige, cette parole, si on ne prend pas l'importance à notre conduite dans le gouvernement de Dieu, on risquerait de ramener des choses par manque de connaissances, et puis on risquerait de s'éloigner de la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'hospitalité, les anges sont là. Quand je fais le ménage, je fais des choses, les anges sont avec nous. L'hospitalité. Parce que quand je parle de Dieu, hein, je parle de Dieu, les anges sont pour là et pour écouter la parole de Dieu. Ils sont là, les anges. Amen. Et maintenant, si on regarde la femme. La femme, là, on dit, on a lu dans Hébreux chapitre 11, comme le frère disait, au verset, j'ai poursuivi. On a dit que la femme, là, on parle de la femme qui a, en fait, je veux le lire là, peut-être, la femme qui, elle, qui en chapitre 11, verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Qui est son autorité ? Son mari. Amen. Ok. Ce même sujet-là. Oh, les frères sont venus, mais... Et si elle n'est pas mariée, qui est son autorité maintenant ? Qui est son autorité si elle n'est pas mariée ? Les frères qui sont là. Comme dit le frère, le corps de Christ qui est là, qui sont là. Et là, la parole nous répond. Ça, il y a eu des débats avec beaucoup de frères dans ce sujet-là. Mmh. Et la parole nous répond. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Amen. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La femme. Le frère l'a bien expliqué. Dieu, Jésus-Christ, l'homme et la femme. S'il n'y a plus d'homme, la femme n'a pas d'homme. Elle vient à Jésus-Christ. Donc, elle est soumise à Jésus-Christ, au corps de Christ. Et maintenant, si elle a l'honneur de Jésus-Christ, le Père, elle est soumise. Et c'est là maintenant que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. La foi, Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Jésus-Christ. Amen. Qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la femme qui n'a pas de mari, elle, Jésus-Christ, est la foi, la crainte de Dieu, est mieux de son voile parce que Jésus-Christ d'avoir avec un homme. Amen. Amen. Amen. Amen. Et ça, c'est la soumission. Amen. Amen. Parce que Jésus-Christ, on revient maintenant à Genèse chapitre 1, quand le frère a bien parlé, Jésus-Christ, Dieu, quand il a formé l'homme, c'est ça c'est encore, et là on va revenir au frère, ce qu'il disait au prophète, donc c'est déjà terminé par là, parce que tout ça c'est un mystère, c'est un mystère entre Christ et l'épouse, et nous, l'homme et la femme, c'est pareil, et là ce mystère, là Dieu nous montre, Genèse chapitre 1, chapitre 2, verset 18. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Il y avait l'homme. Quand Dieu s'adresse à l'homme, il voit la femme. La femme est cachée dans l'homme. Amen. Dieu s'adressait. Amen. Dans l'homme, il y avait les deux côtes. Il y avait l'homme et la femme dedans. Dieu s'adresse à l'homme. Il faut voir comment Dieu nous voit. Quand Dieu voit, il parle. Voilà pourquoi la parole est sortie de l'homme. Pourquoi ? Et l'homme doit répondre à cette image. Quand Dieu s'adresse à l'homme, Dieu voit sa femme. Dieu voit, il voit les deux. C'est après, comme le frère tout à l'heure disait, il a des animaux, toutes sortes de choses, donné les noms. Il a vu que lui-même, ça c'est un mystère. Amen. Moi je parle par la foi, lui-même, Dieu lui-même, on est placé en image. Il a vu que en fait, il y avait quelque chose qui manquait. En fait, Adam voulait voir ce côté action. Amen. Il faut le voir comme ça. Manifester. Amen. Amen. Dieu donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a endormi Adam. Il a endormi Adam. Il a parlé à Adam. Il a endormi Adam. Et pendant qu'il a endormi Adam, il a pris la côte d'action. Amen. La côte qui est attaché en fait au mouvement, au mouvement. Il a pris cette côte là maintenant, il a formé la côte. C'est-à-dire que, donc déjà le mariage, déjà il y a une formation. Déjà l'homme Dieu l'a formé et la femme Dieu l'a formé. Donc il y a ce sont des chrétiens. Déjà le mariage, des chrétiens. Et maintenant il a formé cette côte là. Et quand il a ramené la côte là bien formée, il a ramené devant Adam. Et comme le frère l'a toujours dit, Adam, quand il a vu, il avait les animaux, il avait tout. Mais quand il a vu, c'est quand on l'a sorti de lui-même. De lui-même. Maintenant, il dit, waouh. Alors là, tu m'as donné les animaux, tu m'as donné tout. Mais là, je me vois moi-même. Amen. Os des os. Et os des os, c'est esprit. Amen. Esprit ici. Et ensuite, maintenant, il a maintenant matérialisé ces choses. Chair de ma chair. Amen. Une seule chair. Alléluia. Voilà le mystère du mariage. Une seule chair. Maintenant, quand il y a un problème dans un couple, qu'est-ce que Dieu va voir ? La femme, les enfants, Satan, il va voir l'homme. Parce que Dieu, dans l'homme, il voit la femme. Et on voit dans Pierre nous dit, la femme va sauver son homme par sa conduite. Amen. Pour que son mari ne blasphème pas quand il prêche. Voyez-vous à quel point que quand le mari veut partager quelque chose, si sa femme n'est pas bien, il faut qu'il arrête tout de suite. Parce que Dieu le voit, lui et sa femme. Dieu parle à l'homme et donc à la femme dedans. Donc, derrière un homme, il y a un mystère, il y a cette femme qui est révélée. Amen. On ne voit pas cette femme, mais on voit l'homme dans les portes. Et cette femme qui est vertueuse, elle fait un travail énorme. Je ne peux voir l'homme pour connaître un homme en fait c'est à travers sa femme. Amen. Amen. Si sa femme est bien joyeuse, tout ça, l'homme est bon. Amen. Amen. Amen. Je ne peux que pour voir vraiment si l'homme est bon et bien. Je vais pas te regarder toi, montre-moi ta femme. Je regarde ta femme. Si sa femme elle manifeste sans tache ni ride, irrépréhensible, le sourire, c'est ça l'amour de Christ à l'épouse. Jésus nous loue. L'homme, la femme s'attend à la louange. Sans tache ni ride, je dis, oh, tu es bien. Parce que tu as pris ta responsabilité. L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Amen. Éphésiens nous parle, Jésus loue sa femme, l'épouse. Une femme a besoin de louange pour être soumise. Et là, je reviens, le frère a voulu le dire, parce que le frère, c'était plutôt la femme. Et là, je reviens, quand le problème est venu, Dieu est venu voir Adam. Parce qu'il voyait la femme dedans. Adam. Et là, on voit beaucoup d'entre nous, quand il y a un problème qui vient, tout de suite, c'est Satan. C'est l'ennemi, prions Satan. C'est pas Satan, c'est toi-même le problème. C'est pas Satan, Satan c'est fini. Comme le phare a bien dit, Satan sa vie déjà, ça finit. C'est dans le lac de feu, lié pendant 1000 ans après le lac de feu. Satan c'est bon. Le problème c'est moi, ma chair, moi. Jésus est venu voir Adam, mais pas Satan. Et Adam, pourquoi ceci? En fait, vient dans la discipline du corps, de la chair. Et c'est ça le problème, c'est il faut qu'on se discipline. Et il y a le message que le frère aussi avait partagé aussi sur la sur le nouveau le nouveau le chrétien nouveau vie en fait, un nouveau de la chair, la discipline, tout ça, c'est pas ça, enfin, c'est ça nouveau de vie. C'est pas Satan. C'est d'abord la chair qui veut reproduire les mêmes choses d'avant de la terre, la pollution, tout ça et tout. Voilà, donc ce que je veux dire par là simplement c'est que dans la femme maintenant, il y a cette côte-là. Cette côte-là, elle permet de mouvementer, agir, de mettre en action. L'homme parle, la femme, elle reçoit la pensée, elle reçoit, hein, elle reçoit. Avec ça, elle agit. Et les deux sont ensemble. Et quand Dieu il parle à l'homme, il voit les deux. Mais Dieu, par son amour, le mystère du mariage, il a voulu séparer celui qui mouve, qui bouge, et mettre celui qui parle. Hein. Voilà pourquoi l'homme, pour se prouver, il dit moi, toi, il veut parler. C'est comme ça que l'homme se prouve, par la parole. Il veut se prouver par la parole. Or, la femme, pour se prouver, elle se prouve par la manière dont elle s'habille, les gestuels, le travail. Elle se sent bien comme ça, mais elle a besoin de louange. Elle a besoin de la parole pour pouvoir agir avec force, comme la femme vertueuse, hein, avec force glorieuse, la femme, parce que son mari la loue. Et quand elle reçoit la parole de son mari, la femme, elle commence à travailler avec force. Voilà, c'est parce qu'ils sont, ils sont unis ensemble, une seule chair. Si on a compris ça, la base de comment Dieu voit l'homme et la femme, alors toutes les raisons vont venir. Donc, Dieu a pris cette côte à côté qui était l'action, mais cette action avait besoin de la parole pour garder la parole, garder la femme qui porte en fait, elle porte, mais elle a besoin de connaître, de s'instruire, de comment concevoir son mari là pour l'instruire. Et quand son mari la loue, l'instruit, la femme elle fait que Dieu travaille. Et on regarde, on n'a pas dans Proverbe, dans la femme vertueuse. 80% des cas, c'est le manuel, le gestuel, toutes les choses. Et voilà, ça c'est la femme vertueuse parce que son homme était là pour pouvoir la garder. Et voilà pourquoi là, l'homme, il la protège dans tous les domaines, dans tous les domaines de la vie. Et c'est ça le rôle que Dieu veut faire comprendre à l'homme et la femme. Maintenant, conséquence au niveau de la femme. Quand Satan est venu voir la femme parce que la ruse était là. Et là, je vais revenir en Cantique des Cantiques. On a vu comment dans Genèse chapitre 3. Chapitre 3. On a vu comment Satan est venu au niveau de Satan est venu voir Ève. Parce qu'il savait que s'il allait voir l'homme, il allait bouger par les paroles. Il ne pouvait pas agir. Donc Satan, il a vu cette côte qui était là d'action. L'action qui dit la terre, le mouvement. Mais cette terre a besoin d'être cadrée, d'être protégée, cette terre. Et là, on voit Satan, comment que Satan agit. On voit Satan, comme le frère a dit, le Satan est verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Je ne vais pas expliquer, le frère a bien entendu sur tout ça. Parenthèse. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme. Et c'est là que je veux venir au contexte des contextes. Alors la femme dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était, niveau de volonté qu'on avait vu la dernière fois, était bon. C'était bon, hein, bon, premier niveau. Hein, et ensuite, à manger et agréable. Vous voyez le niveau de Satan au niveau de la gravité? C'est-à-dire que agréable au niveau de la chair. Au départ, Ève, qui était à cette côte-là, qui était sensible aux choses de la vie, l'action, mais elle a besoin d'être protégée par la parole, par l'homme qui est là. Hein. Et Ève, qui a reçu le serpent qui était dans le niveau de la terre, par ruse, le raisonnement est venu. Et le serpent l'a ramené maintenant à voir d'abord l'apparence. C'était bon, oh, c'était bon ce fruit. Et ensuite, Dieu, comme Dieu frère a bien dit, pas Patrick, en fait, Satan ne fait que copier Dieu. Dieu, Romains 12, trois niveaux de volonté. Bon, agréable, parfait. Parfait. Regardez, il copie la même chose. Maintenant, il la ramène à la terre. Il dit, regarde ce fruit, c'est bon. On commence à avoir un regard, le convoitise. C'est bon. Et maintenant, comme c'est bon maintenant, mon attitude maintenant, je veux le regard. Satan le ramène à l'apparence, à convoiter. Et là maintenant, je convoite pour satisfaire ma chair. Je mange le repas. Et on voit encore dans l'évangile qui dit, ceux qui mangent la parole de Dieu, ils nourrissent leur ventre. Les idoles, leur ventre. Et là, on voit le degré de la séduction. Donc là, on voit, c'était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence. Voilà. Donc, maintenant, le quantique. Donc là, on voit, c'est bon et agréable. Maintenant, on prend le quantique des quantiques pour comprendre tout ça. C'est le passage que Vladimir avait pris. Quantique des quantiques. Quantique des quantiques, psaume, proverbe. Ecclésias et Cantique. Donc là, on voit que là on parle en fait au commencement pour la chute. Hein. Donc on sait que l'ennemi est passé par Ève. En fait, quand il passe par Ève a mangé, l'homme était une seule chair. L'homme aussi recevait, c'était une seule chair. Voilà pourquoi Dieu est venu voir l'homme. Voilà pourquoi quand une femme est, par exemple, une femme, un couple, une femme n'est pas bien, l'homme veut prêcher, il est obligé de que sa femme soit bien par la femme avant de partir prêcher. Parce qu'ils sont une seule chair. Et comme le péché est passé par la femme la plus sensible, automatiquement, l'homme aussi, Dieu, il voit l'homme. Et il voit, mais pourquoi tu fais ça? Parce que Dieu voyait entre les deux en même temps. Et Adam, donc, le Akab, nous, les hommes, les Akab, on a perdu autorité toute nuit quand la femme vient vers nous parce qu'elle a mangé. Donc, du coup, on n'a pas averti. Elle vient vers nous, la séduction, on mange le repas avec la femme. Et ça, ce sont les Akab. Les Akab. Et là, on voit maintenant ce qui est beau dans ce passage, que le bien-aimé particulier nous a dit tout à l'heure. Et la femme a dit que c'était bon au regard et agréable aux yeux. Enfin, bon, l'arbre de la condition du bien du mal est agréable aux yeux. Et on voit dans Jean là, n'aimé par le monde, les choses qui ont du monde. Mm-hmm. Le monde vient à la convoitise des regards. Mm-hmm. La chair et le regard. Hein? Je ne sais pas si le frère Yvon, c'est pas ça. La convoitise des yeux, c'est voilà. Là où il parle. Un Jean là, hein, pour que juste le frère note de Nice, hein, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 18. Hein, donc ça, là, on parle de 1 Jean 2, verset 15 à 18. C'est juste pour noter, hein, je continue sur le quantique. Juste que le frère peut noter. Là, on parle de l'amour du monde. On voit que Satan, pour nous ramener à la séduction au tout terrestre, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il ramène d'abord, en fait, les convois. En fait, il nous ramène maintenant au niveau de ne pas le monde. Donc, tout ce qui est dans le monde, en fait, c'est d'abord la chair qui est là. La chair et donc les regards. Les regards. Et on a vu que Ève, là, c'était bon et agréable au regard, aux yeux. La convoitise. Et c'est là maintenant où j'en venir. Ça veut dire que la femme, d'elle-même, on a vu qu'elle est coupable de transgression vers la séduction. Le frère a parlé du Fils de Dieu des anges. Et on a vu que les anges sont centrés vers la parole. Et la femme a la parole, nous aussi on a la parole. Si la femme n'est pas à sa adresse, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les anges vont regarder ce qui se passe à la femme. Et la femme, elle, comme on a bien dit, elle, si elle n'est pas cette soumission, là j'en parlais rapidement, cette soumission de d'autorité, les anges, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et c'est ce qui s'est produit justement. Ils vont maintenant, parce que les anges, ils sont là pour faire un. Au niveau de la création, on sait que les anges, c'est comme un pédagogue, c'est que ceux qui nous ramènent en fait la loi. Aujourd'hui, la loi qu'on a, c'est pas des anges. Les anges donnent des lois, et beaucoup font des coupes des anges aussi. Et ça, c'est grave. Et ça, c'était les anges, le rôle des anges, des lois. Le rôle des anges, hein, dont Galate nous parle. Et donc, la femme, elle, qui est fragile, sensible aux choses de la vie, elle porte plus des anges. Même les hommes, mais la femme est plus sensible à ces choses, l'hospitalité. Et donc du coup, la femme, sans se rendre compte, quand elle fait la vaisselle, le service matériel, le manuel, le gestuel, elle amène avec elle des anges. Et si maintenant, elle ne montre pas cette soumission-là, au niveau de l'autorité, à sa manière de vivre, de marcher, de vivre, les anges, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer maintenant on a vu là le début, hein, ça c'est dessus, ça c'est déjà accompli. Dès avant, les hommes vont commencer à perdre leur valeur. Et ça, c'était déjà accompli déjà. Mais là, ce qui se passe, c'est que les sœurs aujourd'hui, en fait, elles vont loger, en fait, pas des anges de Dieu, mais des anges déchus. Regardez, j'ai cette pensée qui est venue. Quand Jésus-Christ a été crucifié, les frères étaient incrédules. Les femmes, tellement sensibles pour embaumer le tombeau, tout ça et tout, elles rencontrent, pas Jésus, des anges. Elles sont sensibles, les femmes. Mais regardez maintenant, quand elles ont rencontré des anges, Les anges, l'ange dit, allez dire aux frères. Allez apporter aux frères. Matthieu, chapitre 27. Allez dire aux frères. Et c'était Marie qui était là, hein, avec les deux, je crois, Marie et Marie de Magdala. Voilà, voilà. Allez dire aux frères. Donc, les femmes ont eu la crainte. Elles ont obéi au message de l'ange. Mmh. Est-ce que les femmes ont dit, Dieu m'a parlé, je parlais, je vais faire des choses comme ça? Non. Elles sont parties dire le message aux frères. Mmh. Et regardez ce qui s'est produit. Pendant qu'elles sont parties, le parcours, Jésus est apparu. Jésus le rencontre et Jésus dit maintenant, parce que Jésus a vu leur crainte d'aller dire la parole aux frères, et Jésus l'a maintenant dit, soyez sans crainte, n'ayez pas peur. Donc Jésus, l'amour, l'esprit a intervenu parce que le frère, les sœurs ont compris qu'elles ont reçu soumise avec leur sensibilité au niveau des anges, elles ont anticipé cette crainte et puis elles sont parties dire le message aux frères. Mais beaucoup de sœurs aujourd'hui, elles veulent garder le message et puis le dire comme les hommes. Et là, elles vont habiter des anges déchus. La jézabélique. Mais Jésus, si Jésus parle aux véritables sœurs, c'est parce qu'elles sont soumises. Elles vont dire le message aux frères. Et voilà pourquoi maintenant les frères ont répondu tout le message. Amen. Tout le message. Et ça, on parle de Matthieu 27. Et là, maintenant, on voit à quel point, dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, comme le frère Ali, au verset 1, je veux lire, « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. » Avant de voir le voile, on voit le regard. Amen. Regardez le regard. La femme était agréable au regard. Et dans le regard, il y a en fait la pensée. Le regard, la pensée. Et là, avant le voile, déjà, c'était en fait des sœurs en fait, qui avaient la pensée de Dieu, que tu es belle. Donc, avant de parler de mettre ces choses, il faut déjà mettre la pensée de Dieu. Pour que les frères et nous, on soit soumis. Merci frère. Soumis en fait à la pensée de Dieu. Donc avant toute chose, la doctrine c'est selon la piété. Amen. La piété. Et là on voit, avant le voile, on voit donc la pensée de Dieu. Tes yeux sont des colombes. Des colombes. Voilà, la colombe. La colombe. Hein. Tes yeux sont comme des colombes. Et ensuite derrière ton voile. Maintenant, comme la pensée de Dieu est en nous, l'épouse, femme et homme, maintenant, on voit déjà la personne met son voile. La femme met son voile. Et du voile, on voit la beauté qui se passe. Tout ce qu'on peut voir. Je vais aller maintenant plus loin au verset 4. Au verset 3, pardon. 3. Tes lèvres sont comme un filtre cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade. Derrière ton voile, ton cou est comme la tour de David. Et là maintenant, on voit derrière ton voile, il dit ton cou. Et le cou, c'est la soumission. Le chef, la tête. Si la tête tourne, le cou tourne. Pour que la tête tourne, il faut que le cou soit soumise à la tête pour que la tête puisse tourner. Si la cou se rebelle, la tête ne pourra pas tourner. Pas de soumission. Pas de soumission. Donc on voit déjà, derrière le voile, il y a la soumission. Amen, amen, tu vois, amen. La soumission. Magnifique. Et ça, c'est le cou. Le cou. Derrière ton voile, ton cou est comme la tour de David. Donc la femme, autant que cou, elle est, nous l'épouse ou la femme, homme marié, elle est soumise déjà au mari, à l'homme. Et là maintenant, la tête maintenant peut parler et le cou va suivre le mouvement de la tête. Et là, c'est en harmonie. Et là, on voit le mariage. Et là, comme on s'est soumis au chef, automatiquement, l'alliance se fait, le mariage se fait. Et Amen. C'est le même parallèle qu'on voit dans toute la vie. La parole, est que c'est un mariage. Donc, le rôle de la femme, en fait, déjà, c'est de reconnaître déjà sa conduite, quelle telle qu'elle est. Elle sait qu'elle est que l'homme existe par la femme. L'homme existe par la femme, donc la manière dont la femme agit, maintenant, elle doit vraiment recevoir l'instruction. Et puis, si elle n'est pas mariée, se soumettre, en fait, à la parole de Dieu. Et donc c'est juste ça en fait que je voulais rajouter. C'est simplement que au niveau en fait du mariage, en fait de la soumission, Dieu nous parle en fait à toutes les sœurs, celle qui est mariée à son homme et celle qui n'est pas mariée en fait au Seigneur Jésus-Christ. Et on l'a bien expliqué tout à l'heure. Et maintenant, l'épouse doit en fait se considérer par rapport à justement à ce mariage-là. Et c'est de là qu'on va comprendre maintenant notre conduite. Par rapport à ce que Dieu veut de nous et naturellement. Et donc la personne, la sœur, va mettre son voile naturel parce qu'elle va se sentir vraiment, déjà aimée, louée par la parole de Dieu, et puis j'ai seulement à faire ces choses naturellement. Donc c'est juste ça simplement que je voulais rajouter par rapport à l'intervention du frère et du frère aussi qui a parlé. Voilà, c'est juste simplement pour nous dire que simplement recevons la parole et puis demeurons dans notre position en tant qu'homme et femme. Dieu, Jésus-Christ, homme et la femme. Amen, amen, amen. Amen. Amen. Pour moi, juste pour encourager l'église d'Emus, je voulais lire aussi. Philippiens 4, 9. Oui. Philippiens 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Seigneur et le Dieu de paix sera avec vous. On voit que là, Paul s'adresse à l'église de Philippe. Il a dit, par exemple, à nous, on voit que le frère, il a parlé tout ça du voile. Il y a le frère aussi qui a parlé tout ça. Mais on voit, Paul, lui, il a dit, tout ce que vous avez entendu, mettez ça en pratique. C'est ça le problème. Parfois, on a beau écouter, parfois, on a beau tout faire, mais pour le mettre en pratique, c'est une autre chose. Amen. On va voir aussi, je crois on a déjà lu ça, c'est 1 Timothée 2, verset 1 Timothée 2, verset 9 aussi. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de peine, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Mmh. On voit là aussi que la femme, elle n'a pas le droit d'enseigner, mais avec son comportement, elle peut enseigner les autres, les jeunes femmes, comme un exemple pour eux. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc le frère, ce qu'il vient de dire, c'est dans le titre, hein, que la femme qui est de modestie, hein, qui est là dans la sanctification, elle peut enseigner aussi les jeunes femmes. Mm-hmm. Hein, donc ça, c'est dans le titre qui nous le dit aussi, hein, titre chapitre 2, verset 3 à 5. On nous parle que la femme peut enseigner, celle qui a un bon témoignage, hein, au corps de Christ, elle peut enseigner aussi les jeunes femmes. Hein, voilà donc ce que le frère disait. Amen. Amen. Donc on a reçu le frère nous encourager, on a reçu le message sur le voile. Maintenant donc je pense qu'on a tout. Je pense que l'essentiel a été dit. Le frère Patrick, je ne sais pas. On a reçu l'essentiel. Donc je pense que vous avez été bénis vous là-bas à Nice et nous aussi ici à Paris, en Île-de-France. Et ne soyez pas des auditeurs oublieux sur ce qu'on reçoit. Mettez en pratique et je répète encore comme le frère Patrick l'a dit, mon frère de Nice, prêche l'évangile, prêche. Elle continue, reçoit les enseignements comme Timothée disait. Hein. Il disait, 2 Timothée chapitre 3, verset 10, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Hein, » Donc, ce que tu reçois, toi, par notre bien-aimé qui nous enseigne cette parole, ce sujet, là, tu le reçois, prends du temps dessus, médite-le, puis partage, et même ce que tu reçois aux gens de Nice, et que la ville là-bas où vous êtes reçoive le message, toi. Alléluia. Amen. Amen.